On a dit qu'on devait continuer la suite de ça aujourd'hui. J'ai apporté ça parce que je vais vous montrer. Parce qu'on cite des gens, quand je cite des gens dans l'enseignement, je cite, peut-être vous pouvez croire que c'est un vêtement accusé, on est jaloux. Maintenant, par la grâce du Seigneur, je vais mettre personne par personne. Pasteur Chris, Bénigne, tous ces gens par là, ouais. En fait, que Dieu m'en préserve de mettre les paroles là, ouais. Parce que d'abord, le cas est réglé qu'il ne doit pas prêcher pour commencer. Donc d'abord, le cas, c'est qu'il ne doit pas prêcher. C'est prêcher les hérésies. Le problème d'abord, c'est pas les hérésies qu'elle prêche. Le problème d'abord, c'est qu'elle ne doit pas prêcher. Elle ne doit pas le faire, elle ne doit pas le faire. Donc on va prendre donc ces femmes-là et toutes ces personnes, on va les montrer un à un. Raoua, en passant, vous allez suivre. Et quand vous allez suivre, ce qui sera en anglais, je vais faire l'effort d'interpréter, d'accord? Pour qu'on suive exactement ce qu'ils en disent. Prions d'abord, prions. Vous êtes salués les unes les autres. Vous ne devez pas saluer, levez-vous, vous saluez. Comme ça, il rend comme ça qu'on voit que le sommet va vraiment quitter. Levez-vous, vous saluez. Encore. Levez-vous, saluez-vous, saluez-vous. Oh Seigneur Jésus, va saluer les gens là-bas, va saluer. Pendant qu'on y est, on prie, on prie, on va prier. On chante le cantique. Prenez le cantique alors, on chante. Comment? On chante à quel 13. Apocalypse 15. Nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Oh, pour cette soirée nous te disons merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci mon Dieu. Pour nos familles nous te disons merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, pour ces journées nous te disons. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Prions. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci de nous avoir réunis ici, merci pour ceux qui vont encore venir. Merci pour ce que tu vas faire ici. Merci Seigneur pour ce que tu as programmé dans nos vies. Seigneur, nous te rendons infiniment gloire pour ta bonté dans nos vies. Ce que tu programmes, Seigneur, fais dans nos vies. Dirige nos cœurs vers toi, dirige nos vies comme tu l'entends. Dirige nos familles, notre marche entre tes mains. En cette terre de grande apostasie, Seigneur, nous prions que tu nous conduises dans la lumière. Tu as dit que quiconque est en toi, qui demeure en toi et marche en toi, aura la lumière en lui-même. Nous comptons sur toi, Père de gloire, pour ta lumière. Que ta lumière nous se manifeste et nous guide. Nous voulons marcher à la lumière de ta parole, Père. Nous diriger d'après tes voix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, garde-nous, préserve-nous du malin, préserve-nous du mal et de tous les pièges du diable, afin qu'on ne tombe pas dans la séduction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons ce moment entre tes mains, que toi-même tu conduises toutes choses selon ton bon plaisir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons la Bible, on va d'abord lire. D'accord, bien aimé. Vous voulez qu'on lise, n'est-ce pas? Donc, souvenez-vous de pourquoi on a dû voir. Il faut qu'on entre en profondeur dans cette histoire de prospérité, après qu'on va sortir, parce que les deux doctrines, là, la prospérité et vous appelez la pensée positive, la confession de la foi, c'est lié. Faites attention, donc prêtez attention. Lorsqu'on est dans la parole, faisons attention. Ok, donc il faut qu'on voie vraiment comment les doctrines sont venues. Et en plus de cela, il faut qu'on voie les artisans, les promoteurs de cela, parce que c'est très important. Parce que c'est chez eux justement que le peuple va beaucoup. Il faut qu'on voie cela. C'est pour que les gens soient pris, soient en garde. Autre chose, c'est que vous soyez ancré dans la parole de Dieu, sans que personne ne puisse vous séduire. D'accord? Alors vous allez voir, vous allez commencer à voir comment quelqu'un écoute la parole, prêche une chose, alors là, maintenant, vous étant déjà averti, vous allez savoir qu'il a des dévies de la parole. Sinon, vous allez jamais prêcher la parole. Beaucoup sont séduits seulement comme ça parce qu'ils voient les affiches. Oh, mon pasteur est frais. Oh, docteur Shonka, il parle. Il parle le grec, il parle l'araméen. C'est pas ça. S'il fallait comprendre le grec pour comprendre la Bible, c'est que tout le pays grec est converti. S'il fallait comprendre la langue hébraïque pour comprendre la parole, c'est que tous les juifs sont convertis, puisqu'ils ont fait la version originale. C'est-à-dire que, dis à ton voisin que pour croire, il faut la grâce. C'est la foi. Ça vient par grâce. Voilà. N'est-ce pas les juifs qui condamnaient Jésus-Christ, disaient la Torah, hein, en sa langue, non? Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Voilà. Donc, vous voyez que quelqu'un aujourd'hui vient commencer à recevoir la séduction. Non, mon pasteur, il a étudié le grec, il connaît ça mieux que toi. C'est pas ça. Malgré que les Bibles aient les erreurs, Dieu peut te convertir sans la Bible. Il a converti l'apôtre pour il a utilisé quoi? Les musulmans, ils convertissent les musulmans au pays musulman là-bas. Ils n'ont même jamais vu la Bible. c'est le jour qu'il rencontre quelqu'un, il dit que Jésus m'a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chrétien Wanda, c'est moi celui qui t'a dit ça, oui. En fait, c'est écrit dans la Bible. Parce que si Jésus qui fait parler, il va parler selon la Bible. Amen. Ah, c'est merveilleux, je vous dis, frère. Il dit Jésus, il y a plusieurs musulmans à qui Jésus est venu. Le musulman, Jésus qui se présente à lui, il dit que non, non, quel est ton nom vraiment? Comment tu m'as touché une fois comme ça? Je suis vraiment léger et que le poids de mon péché est pardonné. Il dit, je suis le Dieu vivant. Il est vrai. Il dit, comment tu t'appelles? Jésus de Nazareth. Le chrétien lui discute que Jésus de Nazareth n'est pas Dieu. Le chrétien, il discute. Quand lui se présente chez les musulmans, il montre qu'il est Dieu. Et tu ne peux pas dire que le musulman n'est pas sauvé. Il a les manifestations de l'esprit dans sa vie. Il a totalement transformé. C'est le chrétien lui qui lui a encore vu le péché. Vous savez, frère. Donc, Jésus, quand il vient dans les cieux, puisqu'il va dans la Bible, dans le Coran des musulmans, il dit que celui qu'on appelle Issa là-bas, c'est moi. Quand la personne comprend que tu es Issa, tu es vivant, il dit oui. Et après, il s'est retourné, il dit que va chez le chrétien qui est là-bas. Le chrétien est caché pour que les musulmans ne le voient pas. Il voit le musulman, vient, con, il y a quelqu'un, il s'est dit oui. Il dit, Jésus m'a envoyé que tu me donnes la Bible. Jésus, le chrétien, la nuit, prie chaque Seigneur, réveille-toi à moi. Même pas un rêve. Mais Jésus se montre à un musulman. Il dit que va là-bas, il y a un chrétien là-bas. Dis-lui que je t'ai envoyé qu'il te donne une Bible. Frère, je vous dis que notre Dieu, parce qu'il sait que le chrétien a déjà tout pour le connaître. Il n'a pas besoin de se montrer. S'il se montre, il va s'enorgueillir. Alors il se montre aux musulmans parce que celui-ci veut une preuve. Vous dites que Jésus est vivant, je vais le rencontrer. Alors Jésus se montre à lui. Parce qu'il n'a rien sur lequel sa foi peut se baser. Jésus se montre à lui, il vient chez le chrétien. Le chrétien qui fait ça, que je lui prie. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Il dit, en fait, tu m'avais rencontré depuis. Tu as fait alliance avec moi. Il dit, je t'ai dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais lui, il ne lui a pas dit ça. Alors le chrétien vient. Le musulman vient chez le chrétien, Jésus m'a envoyé te donner. Il regarde bien, il ne connaît pas ce monsieur-là depuis. Il a dit que tu vas arriver, tu vas trouver il est en culotte avec un truc camouflé. Va vers lui, dit que j'ai demandé qu'il te donne le livre qu'il a mis dans la moi bleue. Et Jésus m'a dit que tu donnes la Bible que tu as mis dans la moi bleue. Il sait très bien que ça doit être Jésus parce que celui-là ne connaît pas la maison. Celui-là ne le connaît pas. Il est masqué là-bas comme un musulman, mais le musulman sait que c'est un chrétien désormais. Regardez bien, vous ne savez pas pourquoi ça nous dit ça. Au chrétien, Jésus n'a pas parlé. Au chrétien, Jésus n'a jamais donné un rêve. Mais Dieu l'a envoyé là-bas pour dire qu'il y a un chrétien. Non, donc Dieu le connaît. Amen. Dieu le connaît, mais il ne lui parle pas. Je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Que tu es dans le problème, que tu es en train de manger, que tu es en train de manger. Jésus l'a envoyé. Oh, la nuit dernière, il a dit, Seigneur, comment il veut faire? Comment il veut pour manger? Il est venu, il n'a pas donné ce message-là. Mais juste avant quand même écouter ce qu'il a dit, comment il veut pour manger. Ce qui intéresse Jésus, c'est l'âme de ce monsieur-là. Amen. Amen. Donc souffrons pour les autres, d'accord? C'est très important qu'on comprenne. Nous avons la grâce. Nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu avec nous. D'accord? Sondons, étudions la parole. Donc premier lieu, avant qu'on continue la deuxième partie. La deuxième partie va consister à ce que nous allons mettre quelques personnes là. Je ne sais pas si ça peut suffire. C'est pour ça qu'il dit, durant cet avril, si on a le temps dans la journée, c'est à vous de voir. Fixer 3 jours, on va venir. On peut venir à matinée, peut-être à 12h. On a le temps de faire cela, prendre une pause et qu'on puisse épuiser ceci. Ok, on va avancer sur ce terrain-ci. La dernière fois, on a vu comment la doctrine de prospérité est entrée, ce qu'ils enseignent, comment ils tordent les écritures. On va avancer sur ça, ce soit jusqu'à ce qu'on en finisse, en montrant des gens de temps en temps. Maintenant, je vais d'abord aller dans la Bible et montrer la base des ministères qu'on est en train de faire. Pour montrer que c'est établi dans la Bible que lorsqu'il y a l'apostasie, il faut qu'on se lève pour dénoncer et qu'on parle. D'accord? Il faudra que je montre ça dans la Bible. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, vous critiquez trop. Vous êtes seulement pour critiquer, vous jugez. C'est Satan en réalité qui est derrière ça. Satan veut qu'on se taise, La Bible déclare que, dans le livre des Proverbes, voici ce que la Bible dit. Il dit que sauve ceux qu'on traîne à la mort. Vous avez lu ça, hein? Il dit, si tu dis, je ne le connais pas, l'Éternel ne pèse pas-t-il pas le cœur? Donc, si tu vois quelqu'un en train de mourir, aller dans la faute, tu ne parles pas. Dieu connaît que tu connais la vérité. Dieu sait que tu connais la vérité, tu es censé avertir. Donc, c'est à nous d'avertir avant que les gens, on va tirer la sonnette d'alarme avant que les gens refusent d'entendre. Si on tire la sonnette d'alarme, ils refusent d'entendre, leur sang est entre leurs mains. Donc, je vais d'abord montrer dans la Bible quelques passages. Les points, d'accord? Alors, dans le livre de Timothée, rapidement. De Timothée. Quand on dit comme ça, même les chrétiens eux-mêmes s'embrouillent. Non, Jésus a dit qu'on ne juge point. Il a dit que je ne jugeais point afin que nous pouvions juger. Parlez. Que Jésus a dit qu'on ne juge point afin qu'on ne soit point jugé. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? De Timothée. Vous y êtes. Chapitre 2. Je vais lire des versets 14 au verset 17. Donc, je suis de mettre une première base d'abord. Pour que si quelqu'un vous dit, plutôt que quelqu'un nous critique chaque fois, non, pourquoi vous parlez, vous n'avez pas besoin de dire. Par rapport au truc vous appelez des jugés, ne pas juger, d'abord, ce n'est pas adressé aux chrétiens, ne pas juger. Il a dit littéralement dans la Bible que ôtez le méchant du milieu de vous. N'êtes-vous pas quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui soit jugé. Donc quand quelqu'un dit qu'il est chrétien, il parle du nom de Jésus-Christ, nous avons le droit de porter le jugement. C'est ce que la Bible déclare. Mais ceux qui sont dehors, si ce sont les bouddhistes, on n'a pas le droit de juger les bouddhistes. Si c'est le musulman, on n'a pas le droit de les juger. On dit ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est ce que la Bible nous déclare. D'accord? La Bible dit que ôtez le méchant au milieu de nous. Sinon, il dit veillez. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc il faut qu'on veille à l'intérieur, que aucune racine ne pousse à l'intérieur, ne produit des troubles et que plusieurs en soient infectés. Comme c'est écrit dans ce Hébreux chapitre 12. D'accord? Verset 8 en plus. Maintenant, 2 Timothée, si vous y êtes déjà, je vais lire le chapitre 2, enfin, chapitre 2, verset 14 à... Je vais lire quelques versets, puis je vais donner le reste pour que vous allez, pour qu'on puisse avancer vite, d'accord? Vous saisissez bien, mais... Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 14, dit, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Vous y êtes? Verset 16, « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent, discours vains et profanes, ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont hyménées et filettes. » Arrêtez de là-bas. L'apôtre Paul vient de citer clairement les gens qui sont des prêcheurs de doctrine. L'apôtre Paul vient de citer les gens clairement qui sont comme ça. Il dit de ce nombre, donc les gens qui avancent dans dans l'impiété, donc ça finit par ronger comme un grand grain. Il dit qu'il y a filettes et hyménées. Vous avez vu cela? Il dit de ce nombre, des groupes de personnes. En fait, je vais parler, il dit, je veux que vous évitez ce genre de doctrine comme la doctrine des filettes et des hyménées. C'est eux qui prêchent ce genre de doctrine. Donc si on dit, je dis, béni hin, parce que tu m'as dit, pourquoi tu cites son nom? C'est le nom, c'est la Bible. Amen. Ok. Il dit, de ce nombre sont hyménées et filettes qui se sont détournés de la vérité. Vous avez vu, non? Donc ce sont les gens qui étaient au milieu d'eux. Il dit, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, pourquoi l'apôtre Paul dit ceci? Il cite le nom pour que si ça rencontre, la lettre, s'il rencontre un chrétien qui croit à la doctrine des hyménées, qui sache que ce n'est pas la position que l'apôtre Paul a. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Que l'apôtre Paul a pour but de corriger pour que si pour qu'il comprenne que si vous suivez hyménées, sachez qu'il s'est détourné de la vérité. Parce que la Bible déclare donc égarant les autres, égarer eux-mêmes. Ils entraînent seulement les gens. L'apôtre Paul écrit ça pour rectifier. Alors maintenant, s'il dit, je prêche seulement quelque chose, on dit ici, si vous identifiez pas que telle personne prêche ça, pour que vous évitez. Et en plus de ça, pour que vous-même vous vérifiez si c'est oui ou non. Je crois qu'il veut amener les rhapsodies des réalités ici. Vous allez voir de telles choses. Quand on voit la pensée positive, vous allez voir des choses. Et je crois que c'est 1500 ou c'est 2000 qu'on vend. Ils ont traduit en 80 langues. Imaginez combien de milliards il a. Parce que maintenant, il doit avoir les dettes privées. C'est en venant en frais, se vantant, il va crier donc que Dieu l'a béni. Où est cela? Ne sachez pas que c'est vous qui devez être. Mon peuple prend plaisir à cela. Que le peuple seulement se réveille. Je vais vous mettre béni ici, vous allez vous suivre, comment on dit. Le journaliste va lui poser la question directement. Que le Sénat vous a porté plainte. Tu es parmi l'un des 6 prédicateurs et télé-évangélistes qu'on veut savoir comment vous digérez vos fonds. Parce qu'aux États-Unis, c'est exempté des impôts. Vous voyez, les prédicateurs là, ne payent pas des impôts. C'est pour que leur agent est brutus, c'est entre 11 milliards, il aura 11 milliards plus dans son compte. C'est pas comme les entreprises où on a payé le truc parce que c'est les cultes. Alors, on lui pose la question. Le Sénat veut entrer. Il y a une investigation. Je vais vous mettre la vidéo. Une investigation qui est derrière vous par rapport à votre compte pour savoir comment vous gérez. Il dit que ce n'est ni à vous, on me pose la question, ni à moi de le faire. C'est aux gens qui me donnent l'argent. C'est-à-dire, c'est le peuple. S'ils jugent qu'ils veulent me soutenir, ils peuvent me soutenir. Donc, it's up to them. Donc, s'ils décident. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'est le peuple, c'est le déterminant. Parce que c'est très bien qu'il y a des milliards de personnes qui le soutiennent. Qui ont fermé les yeux et le soutiennent. Ouais, ça, n'est-ce pas? Ils sont eux. S'ils savent que j'utilise leur argent normalement, et vous allez voir comment ils dépensent. Quand ils entrent dans un hôtel, ils dorment là où le président dort. Ce nom est écrit à vous appelez quoi, Chanel, sur les plus grands clients de Chanel. Coco Chanel, je ne sais pas comment vous appelez, les Dolce & Gabbana et tous les autres trucs là-bas. Comme les grands clients. Quand ils entrent là-bas, c'est des sous de milliards qu'ils achètent. Les habits. Et Dieu a envoyé les frères venus lui dire depuis des années que frère, la façon que tu vis, c'est pas ce que Jésus vivait. Il lui a dit que, il a fait la promesse qu'il veut changer. 10 ans plus tard, il est devenu pire qu'avant. Que le frère l'a dit que non, béni est allé sur un terrain de non-retour. Je vais le mettre là-bas, frère, vous allez l'écouter parler, l'écouter lui-même directement. Si on met la voix, on peut dire que non, quelqu'un a changé la voix, vous allez voir parler, d'accord? Tout à l'heure. Donc, lorsqu'on cite les noms, c'est pour que les gens évitent. Il y a un livre qu'il a écrit, le titre c'est Bonjour Saint-Esprit. Il est Christ, c'est dans le volume, c'est déjà les 5 000 que les gens vendent. À l'intérieur, il raconte le miracle que le Saint-Esprit a fait avec son mensonge. Des mensonges qu'il a dit. Il a dit qu'il a prêché dans un truc, il était dans un hôpital, tout le monde là-bas était guéri. On allait demander à une femme qui était à l'hôpital, mais est-ce qu'il tant que telle chose? C'était une femme de classe là-bas qui dirigeait là-bas. Il dit qu'il n'y a eu aucune guérison là-bas. Ce n'est pas seulement le seul cas. Vous allez voir des témoignages de personnes ici. Vous voyez un enfant que j'ai béni, il déclare publiquement devant plus de 5 millions de personnes qu'il est guéri. Par la suite, on dit que l'enfant n'est pas guéri. Et les parents là-bas, ils promettent même qu'il va donner un compte avec l'argent. Plusieurs années avec le parent, on demande au parent qu'il n'a jamais reçu aucun argent. Vous allez voir ça là-dedans. Des mensonges. Après, vous allez suivre dans les interviews, il va dire qu'il n'a jamais déclaré que quelqu'un est guéri. Et puis vous allez voir la vidéo comment il dit que telle personne là-bas est guérie. Il dit qu'il n'a jamais dit que quelqu'un est guéri. Que ce sont eux qui viennent dire qu'il est guéri. Et les gens continuent à donner de l'argent. Frère, c'est grave. Donc ce soir, je vais commencer par Pasteur Christ. On va commencer par Pasteur Christ. Je vais laisser, il va dire quelque chose jusqu'à ça finit. Et après, je vais me tourner, vous allez me regarder. Vous allez dire si c'est le docteur en théologie là-bas, le docteur des Écritures. D'accord, bien-aimé? Ok. Voici donc Philette et Hyménée qui sont nommés. Prenons le livre de 3 Jean, rapidement. Donc, vous avez vu très bien que le but pour lequel l'apôtre a cité le nom, c'est pourquoi, ma chère soeur? C'est pourquoi? L'apôtre a cité le nom, pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que les gens avaient de particulier? Ils glissent dans l'impiété, ils enseignent. On dit clairement qu'ils renversent la foi de certains, disant que la résurrection est derrière lui. Autrement dit, ceux qui vivent là maintenant, c'est sans espérance. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et pour après, pour les doctrines, les fausses doctrines étaient en train. Et il y a des gens qui enseignent ces doctrines-là aujourd'hui. Les témoignages enseignent que Christ est déjà venu en 1914. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui, que Christ a été intronisé en 1914. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle l'enlèvement, ils n'attendent même pas ça. Donc, j'ai dit quel livre, Jean? 3 Jean. Lisons 3 Jean. 3 Jean. Je vais lire à partir du verset 9. Regardez, écoutez bien. Tout à l'heure, j'ai pris l'apôtre Paul. Je suis maintenant avec l'apôtre Jean, d'accord? Verset 9. 3 Jean. Vous y êtes? Verset 9 à 10. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voulaient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Vous avez vu? On a nommé la personne. Donc quand la lettre va être écrite, quand les frères vont lire, on va savoir qu'il y a telle personne qui crée le bonheur. Vous avez vu, non? Les noms sont cités. Vous avez compris? 1 Timothée. Rentrons dans 1 Timothée. Oh, il fait vraiment chaud là. Vous y êtes? Chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1. Ok. Les versets 18 à 20. Je veux que vous ayez des fondations sûres et claires de telle enseigne que quand vous parlez des écritures avec quelqu'un, vous savez de quoi vous en avez parlé. Que vous ne badinez pas, d'accord? Vous n'êtes pas des enfants de rientons. Vous êtes les fils et les filles de la parole, engendrés par la parole. Donc la Bible déclare que c'est afin que vous sachiez comment répondre à ceux qui demandent l'espérance de qui il y a en vous. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20 qui est devant moi dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Donc Timothée, son prophétie disait qu'il combatte le bon combat. Et après il va indiquer ce que c'est. Regarde. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont. L'ont. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la. Donc voilà les gens qui sont en train de noyer, c'est noyé. Et si vous venez les suivre, vous allez où? Dans la noyade. Pas vrai? Après il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Si c'est encore plus grave. Vous avez vu? Il a cité énormément. Il a donné le nom de ces personnes. On y va? Ok. Alors chapitre 4 là. C'est ce même livre là. Chapitre 4. À partir du verset 6. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des bonnes paroles, de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Vous avez vu ce qu'il a dit là? Il dit, en exposant ces choses, en disant ces choses-là, dis aux gens que il me dit, il fait ce comme ça là, quand tu seras un bon ministre de Jésus. Alléluia. Mm-hmm. Il dit, repousse les contes. Repousse les contes profanes et absurdes. Nous sommes au verset 7 là, le chapitre 4 de 1 Timothée, n'est-ce pas? Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile pour peu de choses. On va revenir sur ce verset, qu'on va parler de yoga et autres, d'accord? Et tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et la celle à venir. C'est là une parole certaine, certaine et entièrement digne d'être reçue. Vous voyez cela? Verset 11 là, rapidement en descendant. Déclare ces choses et enseigne-les. C'est écrit littéralement ici qu'on doit enseigner toutes ces choses. Vous avez vu, n'est-ce pas? Déclare ça. Ok, comme j'ai dit par exemple pour Emmanuel et Alexandre là, dis-les. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, il veut dire quoi? Il veut dire qu'avant que même toi-même, pour que tu puisses dénoncer comme ça, sois un modèle. Vous y êtes? Alors, nous sommes toujours dans 1 Timothée là. Allons dans 2 Timothée encore. 2 Timothée chapitre 4, verset 9, 10, puis 14 à 15. Verset 9 et 10, puis 14 et 15. Vous êtes en train de noter, n'est-ce pas? Vous êtes en train de noter, n'est-ce pas, bien-aimé? Mm-hmm. Vous écoutez, vous comprenez. En sortant, vous laissez 1 Timothée aux escaliers, 2 Timothée aux deux escaliers. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le gars fuit le ministère pour aller dans le monde, mon ami. Le monde l'a pas laissé, il est allé là-bas. Il vient au plus tôt vraiment, toi Timothée, viens vers moi. Parce que Démas, lui, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est allé, il est parti pour le tout. Et ça ne crescent est allé en Galatie, Tite en Damasie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi car il m'est utile pour le ministère. Verset 14 en bas. Alexandre. Il n'aime pas n'importe quel Alexandre. Celui qui fait quoi? Celui qui est le forgeron. M'a fait beaucoup de. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Vous allez le voir dans votre Bible. Vous suivez dans votre Bible, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Il dit, le Seigneur lui rendra, il dit, garde-toi aussi de lui. Ici, et c'est écrit dans les Écritures. C'est un exemple qu'il a décidé dans les Écritures. Pour vous dire, alors je peux te dire, maintenant mon frère, quand tu vois ce Yaoundé, fais attention de tel pasteur. Parce que c'est un lourd ravisseur, je peux le dire. Sans être arrêté par les Écritures. Éphésiens chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 10. Hein. Pendant qu'il lit, si ce n'est pas ce qui est écrit dans ma Bible, ou bien si ce n'est pas écrit dans la tienne, vous m'arrêtez seulement. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous avez vu, c'est ce qui est écrit chez vous. Qu'on fasse quoi? On dit qu'on fasse quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais on a une chose à faire. On a dit qu'on fasse quoi? Terrible. Vous voyez là, n'est-ce pas? Condamnez-les. Après, il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc c'est honteux, il faut que les condamner. C'est du haut, c'est haut. Jésus avait dit ça autrement. Il avait dit que ce que je vous dis dans les oreilles, prêchez-le sur les toits. Restez plutôt à reprendre le haut parler, parlez ça haute voix. Il a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. D'accord? Ok, regardez. Ici l'apôtre Paul dit que c'est honteux. Si tu dis que non, béni avec tes choses, tu dis ça en secret. Ça ne sert à rien. Il faut condamner. Il faut condamner. Souvenons-vous, ce n'est pas la personne que nous condamnons, c'est l'œuvre. Ce sont les œuvres que nous condamnons parce que la personne n'est pas là le problème. C'est un esprit qui laisse s'emparer de la personne. Donc ce sont les œuvres qu'on condamne. Parce qu'elle présente un enseignement. L'enseignement là, c'est un enseignement antichrist. C'est pour détruire les chrétiens. Donc il faut qu'on balance un autre enseignement contre cela. D'accord? Il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais regarde, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc si on condamne cela, regardez bien, il faut qu'on monte ça dans la lumière. On prend la lumière, on pointe la torche de l'évangile sur ça. On pointe la lampe de Christ sur ça. Boum, vous allez voir très bien que c'est les ténèbres. C'est n'est-ce pas? Ok, voilà, c'est pour ça qu'on va examiner. On va parler, mettre étape par étape et étudier les Écritures. Regardez, car tout ce qui est, c'est tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il faut que la lumière de Christ soit là. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont écoutés ces doctrines de postérité qui écrit, croit, qui sont demeurés là-bas, sont dans les ténèbres. Il faut que Christ, la parole, soit présentée avant pour qu'il se réveille. Amen. Tite chapitre 1, verset 10 et 11. Vous pouvez prendre le petit verset 5 jusqu'au verset 11, mais je vais lire verset 10 et 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles de vains discoureurs et de séducteurs. Vous avez vu? Auquel il faut... Vous avez moi? Auquel il faut... Je vais entendre tout le monde le dire. Auquel il faut... Encore. Auquel il faut... On dit que c'est vain discours et c'est séducteur. Qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut fermer la bouche. Ok, voilà. On dit donc qu'il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. C'est ce qu'on en est de voir faire. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ok. Alléluia. Mm-hmm. Donc, ouvrez 2 Corinthiens, on se met le doigt, rentrons dans 2 Timothée, si, chapitre 1, le verset 15 dit quelque chose aussi. Regardez. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 15. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, il y a qui? Phygé et Hémogène. Donc, parmi les gens qui ont abandonné, m'ont lâché, il y a telle personne, il y a telle personne. Je vous montre seulement pour montrer que les noms sont nommés. D'accord? 2 Corinthiens, enfin là maintenant. Enfin, 2 Corinthiens, enfin tu parles. 2 Corinthiens. Chapitre 11. Disons les versets 3 et 4, puis les versets 13 à 15. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas? On va lire les versets 3 et 4, puis on saute les versets 13 à 15. D'accord, bien-aimés? D'accord, mes bien-aimés frères et sœurs. Ok, 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4, dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Après, il explique, car, oh mon Dieu, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Allons continuer la suite du témoin, continuons au verset 13. Pour nous, j'ai dit le verset 13 et 14 à 15, n'est-ce pas? Ces hommes-là, non. Ces hommes-là, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 maintenant, d'accord? Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers quoi? Trompeurs. Vous y êtes? Déguisé en apôtre de Christ. Frère, il faut qu'on dénonce ces choses, sinon on ne peut pas savoir. Il dit que les hommes qui entendent ces choses-là, ceux qui font un autre évangile, un autre Jésus, là, pour que les gens embrassent un autre évangile, ce sont des faux apôtres. Ils sont seulement déguisés en apôtre de Christ. Donc, autrement dit, ils citent le nom de Jésus. Oh, je suis pasteur, telle personne, c'est prophète, ceci, en réalité, ils sont déguisés. Alors, vous savez que quelqu'un porte un masque, si vous déchirez le masque, comme ça, vous voyez que le vrai visage sort, n'est-ce pas? Ok. Et après, il dit. Et cela n'est pas étonnant, verset 14, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15, il n'est pas donc étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors dans Philippiens chapitre 3, verset 19, il a dit que ceux-là, ces styles de personnes, ils prêchent Christ seulement pour leur vendre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, la doctrine de la prospérité. Vous entendez? Donc on peut commencer là, la base est la mise, n'est-ce pas? La base est mise. Je vais déposer ma Bible ici. On va mettre quelqu'un. Il y a tellement de vidéos. Donc, je vais commencer par Pasteur Christ. On va mettre Pasteur Christ. Vous allez suivre. Vous-même, vous allez suivre. J'espère donc que vous avez la parole avec vous. On va mettre Pasteur Christ. On peut y aller, frère. On peut y aller. Mettons donc notre cher grand pasteur. PhD. Docteur en écriture. Connaissant le grec, l'amplifier version, New International version, connaissant tout, suivons ce qu'il va dire. La parole est simple. C'est Jésus qui nous a parlé dans Matthieu chapitre 7. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Tout le monde parvient à voir ici. Ok. J'enlève le sac. C'est bon. C'est elle qui a fait. Bon, je crois que tout le monde ici ça va, n'est-ce pas? Pas bien à voir. Ok. On commence par lui. Parce que pour lui est facile à démasquer rapidement. Donc, bien aimé, nous allons voir maintenant le célèbre pasteur Christ. de Love Wall, donc Love Wall Channel. Vous allez voir les femmes là-bas avec les cheveux bizarres. Quand elles, vous voyez présenter l'émission, elles effraient. Alors, rigolons. Il faut qu'on soit sûr, d'abord sûr que vous reconnaissez que c'est Pastor Chris qui est là-bas sur cette vidéo. Vous savez, non? Le gars est quoi? Frère, voilà. Ok. Il faut qu'on commence vraiment au début. Ok, donc la vidéo c'est 3 minutes 46. Gardons vraiment le silence pour écouter ce qu'il dit. Après, je vais mettre, si c'est possible, parce que c'est en anglais qu'il parle. Je vais traduire, mais faites l'effort. Si vous comprenez un peu d'anglais, vous allez comprendre ce qu'il a déjà dit. D'accord, parce que ici, c'est pas difficile. Suivez. You start out in tongues. Because when you listen, the first way to activate your spirit is by speaking in tongues. Man is a spirit. He lives in a physical body. He has a soul. He lives in the body. Your physical body is not you. Your physical body is not you. You live in this physical body of yours. You dwell there. This is your domicile. But you are a spirit being. And that spirit is what Peter called the hidden man of the heart. Nobody sees that man but God. But that's the one that looks through your two eyes. Hallelujah. And how to get that man functioning? How to get that inner man listening? Because a lot of times you listen with your ears, your physical ears, so you hear the wrong thing. You look with your physical eyes and see the wrong thing. But you want to activate your spirit so that you can see spiritual things in the realm of the spirit? You want to activate your spirit so you can hear things that ordinary men cannot hear? Then speak in tongues. When you speak in tongues, you activate your spirit. Now, here's what a lot of people do. They're like those who come into the car and start it. Then they close the door and go away. Is the car going anywhere? No. No. No. And if you leave it like that on slow run, you'll be thinking you're warming it. You're not warming it. You're killing that battery. Because you want to warm it, you've got to rev it some more. But you see, you leave it on, the car is not going anywhere. But you were starting the car probably to go out with it. Starting the car doesn't make the car go. Right? All right. When you start out in your spirit to activate your spirit to speak in other tongues, you don't just go, Kurabasante Kelebaya. Amen. You see, you activated your spirit and your spirit was like, come alive. And then there was nothing. Then you carry that one that has chilled out, you take him away to work. But when you activate your spirit, you get your spiritual senses come alive. You're going to hear something from God. Get a rhema from God. Until you're stared, and you can tell the thing is rising. You can tell, because soon enough it starts moving your body. You know, you can't just go like, no, you haven't started. No, you haven't started. When it keeps going up, you know what I'm talking about. Before long, you find that you are pacing the floor now. You know, now your spirit has gained the dominion. Your body is moving, doesn't know why it's moving. But in your spirit, you know. Oh God, we are champions forever. Hallelujah. Let's finish this thing. Hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 14. Avant de continuer, avant qu'on interprète en français ce qu'il a dit. Lisons d'abord un premier principe. C'est pour ça qu'on va examiner tout à la lumière de la parole de Dieu. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 14. C'est terrible, frère. Je souhaiterais que... C'est que la majorité de ces faux-là viennent des États-Unis. C'est normal. C'est pour ça que ça prêche qu'en anglais. Il y a quelques-uns de nos frères, Raoul Wafo et autres là-bas, ils vont qu'ils sont seulement allés là-bas être cooptés. C'est pour ça que la version française qu'on va mettre pour eux, ce n'est pas facile. Vous allez entendre comment c'est faux. Donc ici, je suis obligé d'aller à l'interprétation. Mais avant, lisons ce que les saintes écritures, quelqu'un dit saintes écritures, disent. Je ne vais pas encore sur l'enseignement sur le parler en langue. Parce que si c'est ça qui est parlé en langue, ce n'est pas d'abord ça, ce qu'il en devait faire. Il dit, en supposant que c'est ça qui est le parlé en langue, allons dans les saintes écritures, 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez lire avec moi et vous dites si vous êtes de la même façon que moi. D'accord? Ok. Lisons versets 27 et 28. D'accord? Je vais lire. Si vous me dites si c'est ce qui est écrit dans votre Bible. On dit, en est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on fasse quoi? Dans l'église. On se taise. Voilà un docteur, un enseignant de la parole. Il y a au moins 30 000 personnes qui sont assises là-bas. Il finit de parler, il parle de tout ce qu'il a baratiné, il ne dit absolument rien de ce qu'il a dit là en langage intelligent pour que les gens puissent comprendre ce qu'il a dit. La Bible déclare dans Jérémie 5, verset 31, baptiste B, et mon peuple prend plaisir à cela. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il dit, sans entrer encore dans l'interprétation du message qu'il a fait. Maintenant, on va aller dans le message. Je vais se mettre pause chaque fois pour qu'on suive ce qu'il a dit. Quand il va dire quelque chose en anglais, il va dire en français, et puis on va. Vous allez seulement voir. Ici, il n'y a pas d'interprétation. Vous savez tout simplement que c'est faux. D'accord? Ok, on y va. Donc, la Bible dit d'abord que pour qu'on parle en langue dans l'église, il faut qu'il y ait l'interprète. S'il n'y a pas l'interprète, qu'on ferme la soupape. Quelqu'un dit qu'on ferme le tuyau d'échappement. Voilà. Et il a pris une analogie par rapport à la voiture. Ne vous inquiétez pas, vous allez interpréter ce qu'il a dit en français. Vous allez voir vraiment que spirituellement, ça ne donne aucune chose de la Bible. Attendons. On y va? Vous y êtes? Ok. Je vais mettre pause de temps en temps. Pour qu'on puisse comprendre, suivant. You start out in tongues. Because when you listen, the first way to activate your spirit is by speaking in tongues. Ok. Mais selon ce qu'il vient de dire, la première chose à faire pour activer votre esprit, c'est en parlant en langue. C'est ce que le docteur a dit. La première chose à faire pour activer ton esprit, c'est de parler en langue. Dites-moi, à moins que c'est moi qui suis, c'est quand même un grand docteur, peut-être que c'est moi qui peux être en train de me tromper. Y a-t-il quelque chose dans la Bible qui peut justifier, même pas, il n'y a pas évidemment un verset. Je voulais dire quelque chose quelque part, comme un exemple ou bien quelque chose qui peut sembler dire la même chose. On dit la première chose à faire pour activer ton esprit, c'est de parler en langue, pour que ton esprit puisse fonctionner. Je vous pose une question, dites-moi par oui ou par non. Jésus-Christ a-t-il parlé en langue pour activer son esprit? C'est le modèle exemplaire. L'apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. A-t-il activé son esprit en parlant en langue? C'est ça qui a amené la dérive que si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Voilà les choses, voilà les déviations. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Vous savez ça, n'est-ce pas? Et 1 Corinthiens 12, verset 30 dit que tous parlent-ils en langue? Répondez. Non. Tous sont-ils prophètes? Non. En fait, s'ils disent que tout le monde doit parler en langue, alors tout le monde doit être prophète, tout le monde doit être apôtre, tout le monde doit être docteur. Vous comprenez? Ce sont les dérives. Je mets pour que vous le voyez parler et vous voyez les considérations qu'on en fait. Et les gens sont assis devant. Avançons seulement. Il dit, the first way to activate your spirit is by speaking in tongues. Pour déclencher votre esprit. Activer que ça soit, commence à fonctionner. Que votre, souvenez-vous de cela, il dit votre esprit. Il faut que ce soit le parler en langue. On continue, frère. Man is a spirit. En fait, il mélange le vrai et le faux. Et après, dans cette étape, il va expliquer que l'homme est esprit. Possédant un âme, une âme, et habitant dans un corps. Donc ici, il n'y a pas de problème. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est juste. Il dit que l'être humain est spirituel. Le vrai être, le vrai homme, c'est l'homme intérieur là, c'est spirituel. C'est vrai, c'est ce que la Bible enseigne. Ici, il n'y a pas de faute, d'accord? Il dit que quand je vous regarde là, c'est cet homme-là qui vous regarde, c'est pas la chair ici. C'est ce que nous enseignons là, n'est-ce pas? Ça, c'est juste, mais avançons. He lives in a physical body. He has a soul. Donc ça, c'est clair, c'est bon. He lives in the body. Your physical body is not you. Votre corps physique n'est pas vous. Your physical body is not you. Oui. You live in this physical body of yours. You dwell there. This is your domicile. But you are a spirit being. Ici, ce n'est pas une doctrine fondamentale parce que ça, c'est l'explication de l'être humain. Mais là, on est allé, c'est là où ça te connecte à un autre démon. Ce qui est important ici, c'est l'activer son esprit. Pousser les gens à faire ces choses-là, c'est activer. Ne vous inquiétez pas quand on va toucher la doctrine New Age. Tout ce qu'on a de faire, là, vous allez voir ça en clair. D'accord? Ok, regardez. And that spirit is what Peter called the hidden man of the heart. Nobody sees that man but God. But that's the one that looks through your two eyes. Hallelujah. And how to get that man functioning? How? Cet homme intérieur, cet esprit, l'homme à partir de l'esprit là, c'est cette personne que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur est caché. Alors la question qu'il pose maintenant, c'est que comment donc faire fonctionner cet homme qui est à l'intérieur. Or maintenant, il a dit que vous qui allez parler, toi qui allez regarder au travers des yeux, c'est toi qui es cet homme, parce que tu es esprit. Et après il pose la question, comment faire fonctionner cet homme-là? Donc toi qui allez, comment tu vas te faire fonctionner? On commence à réfléchir sur toi, d'accord? Ok, remarquez très bien, ce n'est pas Dieu qui va faire quoi que ce soit, c'est l'homme qui doit faire quelque chose pour s'élever. C'est l'élévation vers Dieu, l'illumination. Faire tout pour monter du côté de Dieu. Vous commencez à voir, n'est-ce pas? Ok, regardez. Maintenant, la question qu'il pose, c'est how to make that inner man fonctionner? Comment faire que cet homme intérieur fonctionne? Frère, c'est la doctrine de New Age, c'est le Moyen-Orient. C'est ce qu'un prédicateur dit chrétien de l'enseigner aux chrétiens dans le monde entier. Ça passe sur la télévision, dans ses livres. Attendez, suivez. Get that inner man listening. Because a lot of times you listen with your ears, your physical ears, so you hear the wrong thing. Donc, autrement, d'après ce qu'il a dit, ce qui fait qu'on faut faire beaucoup de fautes, c'est parce que quand on veut entendre avec nos oreilles physiques, on veut voir avec nos yeux spirituels, alors avec nos yeux physiques. C'est ça que nous voyons les mauvaises choses, les rontines. Ça veut dire que ce qu'on ne veut pas voir, on entend ce qu'on ne veut pas entendre. Donc, il veut dire que pour qu'on puisse faire que ce système fonctionne, il faut qu'on fonctionne pour entendre des choses spirituelles, d'accord? Regardez. You look with your physical eyes and see the wrong thing. But you want to activate your spirit so that you can see spiritual things in the wrong. Donc si tu actives ton esprit, donc tu vas commencer à voir les choses spirituelles, frère. Donc tu vas décider de voir le monde spirituel. Vous voyez le danger là? Je ne sais pas si c'est un peu, si vous ne me saisissez pas, je vais arrêter. Vous me regardez comme ça, comme les poteaux. Est-ce que vous comprenez jusque là le danger? Il dit donc que si tu actives ton esprit, tu vas commencer à voir les choses spirituelles que les hommes naturels ne peuvent pas voir. Je pose une question. Y a-t-il quelqu'un dans votre Bible qui décide d'avoir des visions seules? La vision, les choses spirituelles, pour qu'un être humain puisse la voir du côté de Dieu, dépend de qui? Est-ce qu'un homme peut décider d'avoir une prophétie? Un homme peut décider d'avoir une vision? Un homme peut décider de voir le monde spirituel? Frère, c'est grave. L'apostasie. On continue. Regardez. Realm of the spirit. You want to activate your spirit so you can hear things that ordinary men cannot hear? Là, c'est possible. Non, vous comprenez ce qu'il dit, non? En avance. Then speak in tongues. Alors, donc, si tu veux le faire, il faut faire quoi? Bien-aimé, c'est là où on se trouve. J'ai commencé par lui parce que c'est notre frère, notre proche voisin. C'est notre proche voisin. En fait, vous allez comprendre. Il est lié avec toutes ces personnes, Benny Hinn, les Kenneth Copeland qu'on va voir parce qu'il les invite là-bas. Ils s'invitent entre eux. C'est un groupe. Les paroles là, White et autres. Il consacre sa femme comme lui-même l'a consacré sa femme pasteur, Anita. Donc, voilà les docteurs en théologie. Pastor Chris Wealth Harry, PhD. Docteur en théologie. La dernière fois, ils ont écrit leur propre Bible. Ils ont porté le gandoura, c'est-à-dire que nous avons eu vraiment notre Bible à nous maintenant. Là, leur propre Bible. Donc, King James n'était pas suffisant. Donc, les interprétations, par exemple, comme il a dit, ne soit pas celui que vous lisez sa personne de la Bible, vous voyez très bien maintenant que là où il y a parlé, là, on a changé. Faites l'effort que votre Bible ne s'égare pas, mes frères. Parce que votre Bible s'égare, ces rythmes-là. Il y a un témoin de Jéhovah qui me disait l'autre jour que suivez ceci. Et je vous avais dit ça ici. C'est un témoin de Jéhovah qui m'a dit, je vous avais dit que faites l'effort de garder même les versions des Bibles et témoins de Jéhovah que vous avez là. Parce que quand le temps va passer, ils vont ramasser cela, faire sortir sa sécrétion. Parce que même dans leur propre version qui est là maintenant, ils ont fait les erreurs en laissant là-bas. Vous pouvez toujours là-bas voir que jusque c'est Dieu. Donc on était en train de leur dire que bientôt ils vont faire sortir la sécrétion de toutes ces Bibles, c'est pour faire un nouveau. Pour écrire en français, pour qu'on puisse comprendre. Donc entre temps, tous ceux qui lisent en français ne comprennent pas. Le but de Satan, c'est ça. C'est pour ça que la révision de la Bible qu'on fait chaque fois, avec la présupposée, les sept choses, si on présuppose qu'il faut qu'on rende ça moderne pour que les gens puissent comprendre, c'est de diluer. Quand on commence à mettre le sacrificateur, on va dire que les gardiens des temples et les policiers et les gendarmes, il n'y a pas de gendarmes au temps de Jésus. Il faut mettre le nom qui est mis. Quand on dit gardien des portes, quand on dit gardien des seuils, il faut laisser comme ça avec la parole biblique. Les gens, les matins, ont traduit. Les gens, ils ont traduit avec le langage bizarre là-bas. Faire enfin, on traduit ainsi. On a lu, les gens ont été convertis. Plus on a de diluer, plus le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Parce qu'on a de diluer sa parole. Satan a de diluer la parole de Dieu. Je vais prendre comment on va faire cette comparaison de la Bible. Vous allez voir exactement comment, là où on a dit Seigneur Jésus, on a seulement mis Jésus. Dans la Bible. On met le Christ. Le catholique dit le Christ. Vous pensez que c'est la même personne que vous en avez parlé. Les indiens disent Christ. Vous pensez que c'est Christ. Alors qu'ils n'ont pas les Krishna. Et vous dites que nous servons le même Dieu. Et vous êtes là, le Saint-Esprit n'est pas au milieu. On a quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, un docteur qui est mondialement connu avec sa chaîne personnelle. Et regardez les sottises qu'il est en train d'enseigner, les hérésies qu'il est en train d'enseigner. Il pousse les chrétiens à faire exactement ce que la religion orientale appelle la méditation transcendantale. Donc ça veut dire dans le côté de yoga, on appelle ça les mantras, on récite les mantras. Il dit que la façon pour faire pour commencer à voir les choses spirituelles, avoir des visions et avoir des oreilles ouvertes pour entendre les choses spirituelles, que ordinairement cannot hear, il se passe speaking in tongues. Docteur en théologie. Alors maintenant, je vous pose une question. Quelqu'un comme ça fait une conférence, pastor conference. Il invite tous ses pasteurs, il les enseigne. Quand ils rentrent, ils font quoi? Alors vous comprenez pourquoi, frère, je me lève contre les écoles bibliques. J'appelle ça les centres de formation, brigade de formation de fous, non? On forme les fous pour les relâcher dans la nature, pour qu'ils perpétuent et relâchent les fous. Conséquence, quand vous allez voir quelqu'un qui est chez pasteur, quand vous allez parler, en voyant qu'il a fait un vous avez remarqué? C'est exactement comme ça. Parce que le BG, normalement, est le modèle du troupeau. Vous voyez les garçons qui sont là-bas, vous allez voir que les garçons ont une particularité, ils s'échollent les cheveux. Ils aiment les pointillés. C'est comme ça. Le BG est modèle du troupeau. On y va. Ok, suivant. When you speak in tongues, you activate your spirit. Vous entendez, frère? Je crois que peut-être au premier lieu, il avait fait la bêtise seulement. Vous voyez, il répète ça pour montrer qu'il dit, il pense vraiment ce qu'il dit. C'est pas ça? Il dit, quand tu parles en langue, tu actives ton esprit. Donc, il y a quelque chose extérieur qu'un être humain va faire pour que son esprit soit régénéré. Donc, autrement dit, la régénération ne vient plus du Saint-Esprit. Alors que ma Bible, à moins que ce ne soit pas la même chose dans ta Bible, le Saint-Esprit distribue à l'un ceci, à l'autre ceci. Il distribue à chacun en particulier comme il le veut. On dit à l'un est donné la langue, à l'autre l'interprétation, à l'autre la prophétie. Un seul et même esprit fait ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il le veut, pas comme l'être humain le veut. C'est parce qu'il écrit dans votre Bible. Peut-être que je dis 1 Corinthiens 12 ne se trouve pas. On y va. Vous allez faire ta. Comme vos bouches sont salées aujourd'hui, vous allez voir. Je vous ai dit l'autre jour que je vais mettre les vidéos, vous allez voir. Parce qu'il reste là, il dit que parce que tu enseignes la fausseté, vous ne pouvez pas comprendre. Il a dit que, en fait, il vous parlait de la masturbation. Il y a une autre vidéo, il a dit que la masturbation n'est pas un péché. Interrogé. Il a dit que la masturbation n'est pas un péché. Comment? Dans sa Rhapsody. Il a dit littéralement que quelqu'un se masturbe, ce n'est pas un péché. Autrement dit, ce n'est pas de l'impurité. Puisse Dieu réveiller ses enfants avec tous ces messages. Que la masturbation, donc tu peux te masturber. Un pasteur comme ça. Là. Autrement dit, les frères qui sont là, ne sont pas mariés, se masturbent vers bien. Donc les démons qu'il y a là-bas, c'est grave. On avance. Now, here's what a lot of people do. Alors, il veut prendre un exemple pour montrer les fautes que les gens font. D'accord? En voulant démontrer qu'il faut activer son esprit en parlant en langue. Après, il veut montrer maintenant l'erreur que les autres, les gens font. En faisant, regarde bien, regarde l'exemple qu'il va prendre. They're like those who come into the car and start it. Then they close the door and go away. Donc, il y a des gens qui entrent dans la voiture, démarrent la voiture, font. En fait, c'est comme ça qu'ils chauffent la voiture le matin. Donc, c'est moi qui parle là. Tu laisses la voiture, tu vas. Maintenant, je suis ce qu'il a de dire, hein, par rapport à ceux qui font ça. Après, il va, d'accord? Il laisse la voiture chauffer. Ça veut dire que quand tu laisses la voiture, tu vas commencer à continuer à ronfler, d'accord? Mais vous allez voir que l'exemple et les similitudes, quand on parle de parabole, ça veut dire qu'on prend quelque chose pour appliquer au plan spirituel. Quand on va appliquer sur le plan spirituel, vous allez voir exactement ce qu'il en est. Suivez. Is the car going anywhere? C'est clair. Puisque la voiture, il pose la question, est-ce que la voiture part quelque part? C'est clair que c'est non. Souvenez-vous, c'est de la voiture dont c'est la question. Et la voiture doit être conduite par quelqu'un, d'accord? Ok, maintenant, suivez. No. No, no. And if you leave it like that on slow run, you'll be thinking you're 1 minute. You're not 1 minute. You're killing that battery. Donc si tu laisses la voiture comme ça au ralenti, vous allez skier, tu vas penser que tu as déchauffé la voiture. Tu ne le fais pas. Tu tues la batterie. D'accord? Il dit mon Dieu. Il a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Tous ceux qui le prenaient pour modèle ici en Afrique vont voir maintenant vraiment leur œuvre. Parce qu'il a dit leur œuvre, leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ce que Dieu a dit. D'accord? Ce n'est que l'aspect des langues qui sont de parler, non pas dans la vertu de prospérité, ni dans la conversion de la foi. C'est assez grave. C'est seulement cet aspect qui vous montre. D'accord? Ok. Donc vous avez ce qu'il a dit comme exemple. Suivant. Because you want to warm it, you got to rev it some more. But you see, you leave it on. The car is not going anywhere. But you were starting the car probably to go out with it. Alors que ça, la voiture ne va nulle part, mais pourtant, quand je débarrais la voiture, c'était pour aller quelque part avec, n'est-ce pas? Starting the car doesn't make the car go. Démarrer la voiture ne fait pas faire que la voiture bouge, n'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon, mais regardez. Right? All right. When you stand out in your spirit to activate your spirit. Donc, il vient de transporter maintenant sur le plan spirituel. Mais vous allez suivre. Prêtez vraiment attention. Il vient de transporter maintenant l'exemple qu'il est en train de prendre sur le plan spirituel. D'accord? Il dit maintenant que quand tu commences à activer ton esprit suivi. To speak in other tongues. You don't just go, Kurabasante Kerebaya. Donc il dit que quand tu. Donc le démarrage de la voiture, c'est le démarrage en parlant en. Ça c'est la similitude, d'accord? Le démarrage de la voiture, écoutez très bien. Le démarrage de la voiture, c'est le syllogisme, c'est le démarrage en parlant en langue. Quand tu démarres, parce que souvenez-vous, quand il a activé son esprit, c'était qu'on parle en langue. Donc, quand on fait tirer, c'est le début, c'est le parler en langue. Comment on démarre la voiture, d'accord? Souvenez-vous, il y a voiture, il y a le démarrage. Ici, il y a l'esprit, il y a le démarrage en parlant en langue. Donc, c'est là. Arrête ça! Démarrer là, c'est en parlant en langue, d'accord? Et on démarre comme ça, en parlant en langue. Quoi? On demande quoi en parlant en langue? L'esprit. Parce que, en fait, dans ce cas, l'esprit, dans ce syllogisme, devient quoi? C'est la voiture. D'accord, frère? Vous allez voir là où ça blesse maintenant. Mon peuple. You see, you activated your spirit, and your spirit was like, come alive. Donc, c'est comme tu as démarré la voiture, tu as laissé vroom. La voiture désire pour maintenant rouler, maintenant tu laisses. Tu actives ton esprit, l'esprit a vraiment battu, après tu laisses. D'accord? Vous inquiétez pas, vous allez voir maintenant la chose. Après, je vais vous poser une question. And then there was nothing. Then you carry that one that has chilled out, you take him away to work. Et tu prends ton esprit donc là qui a été vraiment excité, tu pars au travail avec ça. Mon peuple. But when you activate your spirit. Mais si tu actives ton esprit. You get your spiritual senses come alive. Tu as les sens spirituels devenus vivants. Je pose une question. Le sens, l'esprit a combien de sens? Les sens spirituels, c'est quoi? Sur le plan charnel, il y en a cinq, je crois. La vue, le toucher, le goûter, l'huile. L'esprit, c'est quoi? Ces sens, c'est quoi? Il a dit que your spiritual senses come alive. Vous voyez comment vous commencez à comprendre maintenant la conscience du cosmos dont les gens de New Age parlent. Je vous pose une question dans votre Bible, vous avez lu votre Bible. L'essence spirituelle, c'est quoi dans la Bible, mes frères et sœurs, vous tous qui nous écoutez. Il y en a ça? Ok, avançons seulement. Si nous on n'est pas encore fini avec la voiture. You're gonna hear something from God. Get a rhema from God. Quand tu vas faire ça, tu vas avoir un rhema de Dieu. Donc Dieu a mis le dispositif dans le plan spirituel pour que si quelqu'un fait ça pour il lui donne le rhema. Ce n'est pas le Dieu de la Bible, là, mes chers amis. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Daniel n'a jamais prié pour avoir une vision. Daniel n'a jamais prié pour être. Ézéchiel n'a jamais prié pour être déporté de Suse à Jérusalem pour voir les anciens qui adoraient. Philippe n'a jamais prié en langue pour être télépathé, pour transporter en physiquement, pour être mis là-bas pour aller prêcher à l'unique. Jamais. L'apôtre Paul n'a jamais, dans la nuit, demandé à ce qu'un ange vienne en vision lui montrer le Macédonien. Jamais, frère. Vous me saisissez. Le prophète Joseph n'a jamais demandé à Dieu de voir les visions sur les 11 gerbes qui tombaient. Et Pharaon n'a jamais demandé de croire sur les 7 heures. C'est Dieu qui plonge. La Bible est claire dans le livre des Proverbes. Il plonge dans la pensée. Mais quand les gens sont livrés au sommet, il met dans les visions pour donner soit à son instrument, pour donner les avertissements. C'est Dieu de sa souveraineté qui le fait. Mes frères, s'il n'y a personne qui prêche ses paroles pour le dire, tous vont aller à la dérive. Il faut que quelqu'un se lève pour parler, pour corriger. Mais maintenant, je me tiens devant vous la tremblant maintenant pour dire qui suis-je vis-à-vis des pasteurs Christ. Qui suis-je? Connaissant sa personnalité et sa grande notoriété dans le monde, qui suis-je à côté de lui? Je n'atteins pas peut-être sa veste là que m'acheter. Regardez-le. Mais vous suivez ce qu'il dit? Il dit que tes sens spirituels deviennent maintenant vivants. Tu commences à avoir un rhéma de Dieu. Rhéma. On avance, frères et sœurs. Quand tu le fais jusqu'à ce que tu es stimulé. Frère, vous allez voir ça dans les doctrines de New Age, quand on va lire leur écrit. Tout ce qu'on a dit. En fait, quand on va prendre pour offre, c'est grave parce que c'est en français, c'est en français. Vous allez voir clairement comment il dit, ce qu'il déclare. Avançons. And you can tell the thing is rising. Tu peux le faire jusqu'à ce que tu ressentes que quelque chose est monté. C'est ce qu'on appelle la Kundalini. Quelqu'un dit Kundalini. La montée des chakras. C'est-à-dire que chaque être humain a un serpent en lui sur sa colonne vertébrale. Les sept niveaux d'énergie qu'il faut monter. Quand tu fais comme ça, tu montes ça touche la conscience, tu deviens illuminé. Tu deviens un avec la conscience universelle, le grand esprit universel. C'est ce qu'elle est en train d'enseigner là, avec les langages chrétiens. Ce n'est pas seulement lui, on va toucher les autres qui sont dans la colonie. Je prends ça pour vous dire que ce que l'apôtre Paul a dit, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il se lèvera de faux Christ, de faux enseignants pour introduire des doctrines pernicieuses. C'est là, voilà ça devant nous. Il dit, tu peux sentir que ça en train de monter. Donc quand tu pries, tu sens comme ton esprit en train de grandir. Tu vas voir le taureau, il faut mettre le taureau, tu vous allez voir comment les gens ont reçu ces esprits. Comment une fille marche, après ça, tu fais comme ça. L'autre qui a divorcé, épousé le mari de quelqu'un, commence à parler, tout ça, c'est comme ça. Après, il ne peut pas se contrôler, on les arrête. Vous allez voir. Est-ce qu'ils ont parlé de baptême Saint-Esprit? Il y a l'autre dans la ville, ici on appelle Samuel Tate. Chaque fois qu'il prie en langue, c'est lui qui l'appelle. Le démon là a pour but de détruire la vie divine dans les chrétiens, dans les villes des croyants. C'est quand il fait, c'est qu'il veut mettre un extrait de sa prière en langue et mettre le nom du démon là, quelqu'un qui le connaît. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la Bible, on l'appelle Apollon en grec. L'ange de l'abîme d'Apocalypse chapitre 9. C'est écrit. Il a une mission. Quand tu viens dans son assemblée, tu as une vie divine, il commence à prier en langue, il prie comme ça, il appelle. Donc quand il l'invoque, et tous ceux qui sont dans sa compassion globale font tout et tout, ils ne savent pas, en parlant en langue, ils veulent parler comme lui. Ils citent la même chose. C'est ils invoquent le démon là détruit la capacité de vie de Christ en toi. Alors tu pars là-bas, tu deviens vide, déboussolé. Je dis ici parce que c'est enregistré, parce que ça sera distribué comme ça. Il parle du Samuel Tate, celui qui est dans cette ville ci des doigts là. C'est grave. Tous ceux qui sont de son assemblée vont savoir qu'il parle en langue, ils vont entendre ce même nom là. C'est un peu comme les chanteurs Zaïra quand ils voulaient parler de Sangai, Sangai, Sangai, Sangai. Quand ils arrêtent le micro, on arrête les instruments. Ils tendent le micro Sangai, ils disent Sangai, Sangai, Sangai. C'est le démon Sangai. Il demande si vous voulez que Sangai vienne sur la scène. Il dit oui. Là, il prend la foule. Je vous avais dit ceci. Quand quelqu'un à l'extérieur, quand vous voyez Malam qui guérit les sida et autres, vous savez dire, toi, envoie là-bas, vous dites que ça c'est le marabout. Le danger, c'est quand il utilise le non-chrétien. C'est la subtilité. C'est quand on utilise le nom chrétien. On avance, on n'a pas encore utilisé le sucre de la voiture et le promis qui se cache derrière. You can tell, because soon enough it starts moving your body. Après un temps, tu commences à entendre ça, tu peux commencer à dire que ça commence à arriver. Tu commences à sentir que ça bouge derrière dans ton corps, que ça bouge dans ton corps. Autrement dit, en fait c'est ça. Quand le serpent sort, il cherche à positionner pour que sa tête mette sur la tête. C'est normal que tu commences à avoir des visions comme la femme de Acte chapitre 16, verset 16. Après, c'est grave. C'est grave. You know, you can't just go like, no, no, no, you haven't said it. No, mon peuple, apôtre, pasteur, tell us, dis-nous, tue-nous, et vous tuerez vrai. On avance, frère. You haven't said it. When it keeps going up, you know what I'm talking about. Je vous pose une question. En utilisant le syllogisme, l'exemple qu'il a utilisé, d'accord? Si j'entre dans la voiture, demande la voiture, qui conduit qui? Ok. Maintenant, revenons sur le plan spirituel. Si je suis un homme et que je désire marcher selon l'esprit, qui doit conduire qui parmi les deux? C'est qui? Alors, non, si c'est l'esprit donc devient la voiture. Alors, quand on est dans la voiture, c'est la voiture qui guide l'homme qui est à l'intérieur. Vous voyez un problème, n'est-ce pas? Vous c'est le problème? Parce que c'est moi qui décide de désirer la voiture et je conduis la voiture. Je peux virer à droite, je peux virer à gauche. Ici, il dit quand tu démarres, tu actives ton esprit. Il faut que tu commences à contrôler ton esprit. Tu contrôles ton esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont fils. Ici, il dit que se conduit. Vous commencez à comprendre que Christ n'est pas là. C'est l'être humain qui prend sa décision dans sa propre vie. Celui qui dirige sa vie comme il veut. Vous voyez le danger, mes bien-aimés frères? C'est moi qui décide d'avoir la vision. Ce soir, si je veux avoir la vision, c'est le monde spirituel. Il faut que je prie, je vois ce qu'il en est. Je vois les visions. Je vais entendre ce que Dieu en a dit à ce moment-ci. J'entends ce que Dieu en a dit. Vous avez été chaud dans votre Bible? Quelqu'un dit pasteur Christ. Docteur en théologie. Oh yeah. Donc si quelqu'un nous écoute et qui est dans cette histoire qu'on appelle Christ Embassy, il faut qu'il sorte parce qu'il est fichu. ce n'est qu'une doctrine parmi tant. Ça, c'est seulement pour l'esprit. Il n'y a que ça. Ils ne touchent pas encore les parents, les confessions, les masturbations et toutes les autres abominations qu'ils enseignent. Je crois qu'on va découvrir cela lorsqu'on va apporter les livres à Rhapsody of Reality, The Seven Spirit of God, Seven Dimensions, les sept dimensions. Vous savez, c'est toujours en sept là, normalement c'est Dieu, pour que vous sachiez que c'est la Bible. Vous allez voir pour John Austin et pour George Meyer, c'est les sept lois spirituelles pour vivre une vie heureuse sur la terre. On ne dit jamais les sept disciplines des vrais disciples souffrir pour que jamais il n'y ait pas ce genre de livre. Il n'y a pas ce genre de livre. Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à ces premières vues? Qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Pour dénoncer. Maintenant, connaissez-vous des gens qui sont dans Christ Embassy? Vous en connaissez? Je vous mets comme ça pour que ça ne quitte jamais votre pensée. Pour que vous savez, sachez maintenant qui est devant vous quand il parle. Pour que vous n'absorbez plus n'importe quoi à la télévision. D'accord, bien-aimé? Vous y êtes? On continue avec les vidéos. Sa mère, il peut pas. Il s'appelle maintenant divin. Le divin, il a pris le titre de Dieu. Et ce n'est pas étonnant. Parce que la majorité d'entre eux, il se dit à la radio, c'est ah, ça se passe à la radio. Il dit le divin Samuel ou papa, il est divin. Les gens ont besoin de l'appeler comme ça. Le divinisé. Le divin. La commune, quoi, le dénominateur commun de tous ces prédicateurs, ceux qui prêchent le New Age, qui prêchent la doctrine de prospérité, la prospérité de la convention, la doctrine commune, ceux qui vont nous dire qu'ils sont des dieux. Je vais vous montrer des êtres humains. Si vous voulez, humain, seulement un esprit. Le problème, c'est que c'est en anglais, c'est une heure. C'est pour ça que je vous ai demandé, c'est à vous de choisir. Pendant les vacances, quand vous venez, choisissez 3 ou 4 jours. Durant ce moment, pendant la journée, si c'est pas ici, c'est chez quelqu'un d'autre, on se réunit. On prend du temps pour voir ces choses-ci et pour commenter. Vous allez les voir, vous allez voir quelqu'un qui dit clairement que Dieu est au-dessus de lui, est au-dessous de lui. Il contrôle le monde entier. Son pouvoir est illimité. Tout l'univers entre ses mains. Un être humain, il est vivant. Ils sont nombreux comme ça. Alors il tend la main sur toi comme ça, tu tombes. Il est là. Adoré par des autres, par des personnes. Mais ça, ce sont des païens. Mais ils ont infesté la religion occidentale. Ils ont infiltré le christianisme. Ils ont créé des universités, des dialogues interreligieux avec les chrétiens. On les a admis, on a fermé. Et ils disent même que les pasteurs viennent pour avoir le rafraîchissement spirituel. Donc les pasteurs sont venus chez eux pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Ils viennent prêcher donc ça dans l'église. Il y a des tas de livres écrits là-dessus. C'est ça que Pasteur Christ a. L'un des dénominateurs communs, c'est que tous disent qu'ils sont des dieux. On va voir tout cela. L'autre a dit que quand il lit la Bible, il voit comment il entend comment dire je suis. Il dit moi aussi je suis. Thierry. Mon peuple prend plaisir à cela. Ok. On y va. Je ne sais pas comment on va aller. Je crois que. On va mettre qui là maintenant? On met qui? Qui? C'est grave, hein? Vous cherchez qui? C'est beaucoup là, c'est beaucoup. Ce n'est qu'une partie qu'il y a à côté. Bon, comment on va prendre? On va prendre qui? Bon, prenons ici, on va prendre le premier. Voyons un peu ce qu'il y a. Donc, c'est un homme qui n'aime pas d'abord les interviews, d'abord de la presse, d'accord? Donc, celui vous le connaissez bien, c'est Benny. Donc, ça, c'est une chaîne de télévision américaine. C'est comme ça en anglais, on va suivre d'abord. Et puis je vais voir combien de minutes, c'est 5 minutes. Après, il va interpréter ce qu'on a dit. Et vous allez remarquer ce qui se passe dans cette interview. Parce qu'il y a d'autres vidéos que je vais mettre de lui. Vous allez voir que ce qu'il en a de faire et dit là-bas, ce contraste qu'il a dit sur l'antenne de la télévision. D'accord? Donc, alors j'explique d'abord ce qui se passe. Il y a des journalistes qui l'ont approché pendant 5 ans pour l'interview. Finalement, il a admis qu'il y a des interviews pour montrer qu'il est transparent, qu'il n'y a rien. D'accord? Alors, au courant de l'interview, on va poser des questions, particulièrement sur la guérison divine. Quelqu'un qui est à l'intérieur va lui dire que non, on t'attend déjà à le truc pour couper. On a fait tout pour couper vraiment la partie là pour qu'il ne parle pas de cela. Suivez seulement, bien aimé. Benny Hinn, he's a very controversial individual. Also, a look at the counterintuitive combination of Christianity and indie rock. But we're going to start with Ben. C'est la combinaison des chrétiens avec le rock. Donc, vous savez qu'il y a le rock chrétien désormais. Benny Hinn, he is at the center of a Senate investigation right now. He is a televangelist and faith healer. We had the opportunity to conduct, as I said, a very rare interview and also, as you'll see, quite confrontational. So let me ask you about the healing. You believe you are anointed by God to heal the sick? Is that correct? Je vais te poser une question directe et claire. Tu crois que tu as été oint par Dieu pour guérir les malades? Suivez bien. Correct. Well, look, I've never really claimed to be anointed by God to heal the sick. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je n'ai jamais affirmé que je suis bon par Dieu pour guérir les malades. Souvenez-vous ici, ça ce n'est que l'intro. Je vais mettre d'autres vidéos, vous allez suivre ce qu'il dit. Vous allez voir la personne devant vous, non? Il a croisé les pieds, il a répondu aux questions. Suivez très bien. Il y a une autre interview où il a dit sur la télévision que c'est pour reconnaître les vrais chrétiens, les vrais prédicateurs, reconnaissez à leurs fruits. C'est lui qui avait dit comme ça. I believe I have been called, like I said, to preach the gospel. In fact, I was shocked, really I was, when people came up to me claiming they were healed. Donc, regardez bien comment ça tourne. Il dit, d'abord il dit qu'il n'a jamais dit qu'il a été appelé, qu'il a été ouin pour guérir les malades. Après il dit que, j'ai toujours dit que j'ai été appelé pour prêcher l'évangile. Après il dit que, en fait, ça a été justement une surprise pour lui. Il a été choqué de voir que pendant qu'il prêche, les gens viennent à lui, disent qu'il est, pas demandé de guérison, disent qu'ils ont guéri. Donc ça veut dire qu'il veut dire qu'il prêche, c'est Dieu qui a les guéri. Mais observez tout simplement, d'accord? Ah frère, ce sont les grands télévangiles, c'est le plus grand ici dans le monde entier. Donc la grande majorité des personnes, c'est chez lui. But so you got to explain this to me. How does it work? Are you saying that the Holy Spirit? Explique-nous ça. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne. Tu veux dire que le Saint-Esprit entre en toi et puis tu guéris. It enters you and you can heal people. Talk me through the logistics here. The anointing, which is God's power, comes on me. Yes, I can actually feel it. It's a very difficult thing to explain. Is you actually feel? Voilà quelqu'un qui vient de déclarer tout à l'heure là que. Il prêche des gens, il est surpris que de voir que les gens viennent venir pour dire qu'ils sont guéris. Il dit qu'il n'a jamais dit qu'il est guéri, ce qui ne guérit pas quelqu'un. Après, il dit qu'à un moment donné, il est déposé, il sent l'onction venir sur lui. Tu peux quand même, tu peux sentir cela. Suivez. Energized. I feel. And suddenly, at one point in the service, you can feel something in the atmosphere. I even sense it. People feel it, which is God's presence. Il dit qu'à un moment donné du service, tu peux sentir quelque chose dans l'atmosphère, quelque chose. Je ne sens pas, c'est plus pour apprendre, les gens le sentent. C'est pour cela qu'ils mettent les musiques longtemps, pour préparer la foule. Et vous allez voir, la conséquence, c'est que les gens viennent, ils sont guéris. Et j'ai même un pasteur là, son truc, mais il est en Angleterre, qu'il a démissionné de ces mouvements-ci. Parce qu'il prêchait parce que les gens guérissaient comme Benny Hinn. Il n'avait jamais lu sa Bible. Il dit que le jour qu'il a lu la Bible, il a vu que ce qu'il faisait était contre la parole de Dieu. Il a abandonné. Pourtant, les gens guérissaient. Il a abandonné, donc il est venu dire comment les TV preachers guérissent les gens. C'est pour ça que les gens vont après cela. Après, ils rentrent, ils sont guéris. À la maison, ils ne sont plus guéris. Parce que l'atmosphère était conditionnée pour qu'ils croient qu'ils étaient guéris. Beaucoup de personnes. Vous allez voir une femme qui l'a déclaré là-bas que ton cancer est mort. 2 semaines après, la personne va mourir. Cancer. Vous me suivez, frère? Benny Hinn. And people start. Vous savez comment il lève la main, non? Laisse-moi la main devant toi, tu tombes. Alors, conséquent, les ministères qui sortent de la mairie maintenant, on veut seulement que les gens tombent pour qu'on croit que le Saint-Esprit est là. Mais pourtant, regardez votre Bible, c'est contraire à la Bible. On peut y aller. Vous êtes choqué ou bien vous gérez. On prêche notre prédication qu'on connaît dans la maison-ci. C'est ça. Getting healed. You'd be amazed some of the things I hear on that platform from the cancer, the pain is gone, the this is gone. Now, over the years, there's been some cases where people did come up who said they were healed, but really they were not healed. Donc, il vient de dire. Parce qu'il sait que le journaliste en a posé la question parce qu'il se connaît très bien qu'il y a des controverses là-dessus. Directement, celui qui contre-attaque, il utilise cette formule-là de vouloir dire comme si on avait ridiculisé la chose. Il dit, mais au courant de l'année, il a observé que beaucoup de personnes sont venues sur le podium, qui ont déclaré qu'ils sont guéris. C'est pour dire que le temps qu'on a posé la question sur les personnes qui disent qu'ils ont guéri là. Il dit, au courant des années pendant la guérison, parce qu'il a fait plus de 100 ans des ministères, il dit qu'au courant des guérisons, des services, il a remarqué qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues sur le podium, déclarer qu'ils étaient guéris. Pourtant, à la fin, ils n'étaient même pas guéris. Pourtant, il a dit que l'atmosphère, il y avait le Saint-Esprit. Et que les gens l'avaient senti. Et que, en fait, personne n'est jamais venu sur le podium dire qu'il était guéri. Et quand il est guéri, pour confirmer, mais la main de la personne tombe, il dit que ça, c'est la semaine. La puissance Saint-Esprit. C'est le principe. D'accord? Ok, suivez. But that does not deny the real healings. Donc, malgré ces autres cas-là, ça ne met pas en dérision les vraies, authentiques guérisons. Là, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il y a vraiment une guérison divine. Donc, si quelqu'un dit que. Il n'y a plus de miracles, c'est quelque chose. Mais bon, c'est qu'il faut qu'on dénonce le faux, n'est-ce pas, Brian? Mm-hmm. But with a ministry of your size, wouldn't you want to have some cases that are documented and proven? It's puzzling to me why they question people like myself while. On lui pose la question. Un grand ministère comme le tien, Est-ce qu'on ne documente pas les gens qui ont été guéris? Quelqu'un a le sida, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on a fait l'examen pour savoir qu'il a le sida. Quand vous déclarez donc que quelqu'un est guéri, n'y a-t-il pas un endroit où quelqu'un va faire le document pour montrer les preuves du témoignage que quelqu'un a été guéri? Remarquez bien, au lieu de dire directement, et il y a une autre vidéo, c'est qu'il n'y a pas le temps, frère. Au lieu de dire directement par oui ou par non, il commence à lui dire que, oui, si c'est pour bénir, vous êtes fort pour demander. Pourquoi on ne parle pas dans d'autres religions aussi pour demander si c'est pour les preuves de leur guérison? Si c'est simple, c'est, la vie est claire, c'est qu'il y a de la lumière, on vient à la lumière en plein jour, en présent. N'est-ce pas? Dans ces livres des bonjour Saint-Esprit là-bas, ils citent les gens qui ont été guéris, c'est les gens qui ont été guéris. Et toutes les personnes, on est allé faire les révélations, les trouver, ils n'ont jamais été guéris. Dans le livre qu'on dit bonjour Saint-Esprit, on écrit sur le Saint-Esprit, on ment en son nom. Vous allez voir comment il va dire clairement qu'il passe à coucher sur les tombes des personnes qui sont mortes, il reçoit l'onction. Vous allez l'écouter. On avance. Ce sont ces gens qui viennent au Cameroun, on organise le stade. Ils ne peuvent pas aller à Lom prêcher l'évangile, jamais. C'est dans les villes de Douala, Garoua, les endroits en Gaoundé, là où il y a les gens qui ont de l'argent. On dit que les musulmans ont l'argent, oui. L'argent des bœufs, là, ils vont nous donner ça. Vous saisissez bien aimé. Donc on lui pose une question, qu'y a-t-il des preuves de guérison dans ton ministère? Il dit que pourquoi c'est quand ces autres religions, vous allez seulement venir me demander à moi. Le journal lui a dit que le moment quand il sera pour, si cela déclare qu'il donne les guérisons, il va aller lui poser la même question. Après maintenant, ça va créer le problème là-bas, regardez. They don't question someone else in a different religion. Yeah, if anybody was sitting in front of me claiming to have healed people, I would question them. Well, and it's your job and I'm glad, but I'm not claiming I healed anyone. Vous avez suivi? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Répétez-moi en français ce qu'il vient de dire en anglais. À haute voix, frère, à haute voix, qui n'a jamais déclaré qu'il guérit quelqu'un. Souvenez-vous, c'est Benny qui allait lui parler. Vous allez le voir à l'action tout à l'heure. Il dit qu'il n'a pas, I'm not claiming I have healed anyone. Il veut maintenant rejeter le propre don sur ces personnes. Il veut dire que je reste ici sur le bouton du presse. Eux qui viennent dire que je suis guéri. C'est pas moi qui dis qu'ils sont guéris. D'accord? Vous saisissez? Ok. I'm simply saying they get healed in our meetings. Ils sont dit qu'ils se manquent dans nos réunions, ils reçoivent la guérison. Donc je ne dis pas que j'ai guéri. Frère, vous parlez de la tenue. Et le journaliste sait même qu'il a démenti, mais il sait que c'est pour une fois, il a au moins eu l'interview, il faut qu'il prenne quelque chose, sinon il va couper. On y va. The people who have worked with you have come out to say that you actually carefully screen people. On pose la question maintenant, il dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec lui, qui sont sorties, ils sont allés dire ces choses, que ce qu'il fait n'est pas bien. Même ses chauffeurs, même ses gardes du corps. Alors le journaliste dit, beaucoup de personnes qui travaillent avec toi sont sorties en disant que, quand on parle de screening, ça veut dire qu'on scanne, on choisit les gens qu'on va mettre devant. Des gens qui ne sont pas en connexion avec le ministère, on peut placer. On dit que tu avais mal à la main, fais d'abord des gestes comme ça. Avant qu'on, vous allez le voir ça maintenant. Avant qu'on te fasse passer au témoin pour que tu parles là-bas devant. Pour vous dire que tu as été guéri. Vous comprenez? Donc ça, il y a tout un bagage derrière. Je vais vous montrer une autre vidéo, vous allez voir une autre section que quelqu'un a filmée. Ça se trouve le crépa loin derrière dans le noir comme ça, là où les gens s'assistent sur les chats pancartes. Ceux-là, on ne les présente même pas à la télévision. On ne les présente même pas à la télévision. Les bonnes personnes, on sont devant. Après, ils lèvent sa veste, ceux qui sont devant tombent. Ils font les yeux. On y peut y aller, frère. Je suis ministre de l'évangile. Ne me regardez pas comme ça. Si vous avez béni sur votre cœur comme votre père spirituel, je suis désolé. Votre père spirituel tombe au nom de Jésus. Et vous allez pour votre vrai père spirituel au Saint-Esprit. Amen. But before they can get up onto the podium with you, well, in effect, you have the game. Il y a des gens, il y a un couloir, chaque étape, tu ne peux pas quitter la vérité témoignage sans que tu n'aies passé par ce couloir. C'est un seul couloir, on vit. On te pose, on t'interroge avant de t'envoyer devant. D'accord? C'est bon. Rigged, they're arguing that anybody who's visibly seriously ill can't get up onto that stage next to you. It's very difficult for me to his representative stop the interview for the first time wanting to move off the discussion of healing parce que il est coincé, il ne sait pas comment il va s'en sortir. L'un de ces bras vient pour distraire et pour couper, pour qu'on coupe la partie, pour avancer. Suivre. Ça va déranger parce qu'un taille va savoir que comme c'est en recherche de caméra, il va dire non, laisse, observer. Ron, I'm totally comfortable. I really am, thank you. You can ask me anything you want. Okay, thank you, I appreciate that. He just said I can ask him whatever he wants. He can understand, so are there other issues besides healing? No, I'm really fine with that. So, healing, what are the other issues? Don't worry, then. Okay. Le Seigneur dit que laisse l'histoire de guérison, go sur other issues, pas sur autre chose. Il dit que non, ne soit pas. Comme faire comme si c'est pas important, observez. Fair enough. This is not something you don't know, but you You have some critics. Oh, do I know that? Of course. People have called you all a con man, a fraud. So let me just put the question to you bluntly. Okay. Are you taking advantage of people who are profoundly religious and also vulnerable because they're in physical pain? Une question directe. Par le séminaire, ça touche les finances parce qu'on a dit qu'on quitte la guérison pour aller à un autre thème. Il dit, est-ce que tu profites des gens qui sont profondément religieux ou bien tu prends parce qu'ils sont physiquement atteints. C'est-à-dire, quand les gens sont moralement atteints, est-ce que tu profites de... Nous, j'ai laissé l'autre vidéo, c'est parce que nous parlons de la doctrine de prospérité. Parce qu'on va toucher cela, regardez. For your own personal enrichment. If people think I would do this for money, after all the misery I've had to go through, what misery? Oh, dear God. Les gens pensent que je fais ça pour l'argent. Après toutes ces misères, du nom de manque de misère. Tu as souffert quoi? Il ne peut pas dire, observez. Il est divorcé, l'autre est divorcé. En fait, tous ont un dénominateur commun, le divorce. Et ils continuent à enseigner. You're a human being like me. How would you like to be called all those names? Well, let me ask you if I might. Où est-ce que ça se fait derrière? Vous avez vu ce que son représentant fait derrière? Quand c'est coincé, il tousse pour déranger. Because I want to move on to some other subjects. So let me ask you about... Ron, I'm really enjoying this, and this is important. Do you have something else as well, Tom? Well, they can wait. Don't worry, they can wait. So... Let's keep going. Okay, fair enough. Thank you. So, as you know, the Senate, or Senator Grassley, has been looking into several televangelists, six, and you are among them. Right. And he wants to know whether you are using the tax-free money that you're getting from your... followers in inappropriate ways. Can you understand why people would raise questions? You're taking in tax-free money from people all over the world. I understand that. Many of them, you know, in a vulnerable situation, and you're living a very, as you've admitted, lavish lifestyle. If my partners felt that their money was being used wrongfully, mes partenaires, ceux qui me suggèrent, ceux qui sont dans le ministère, qui donnent de l'argent là, pensaient, comme vous voulez dire là, que l'argent était utilisé d'une façon inappropriée, they would quit supporting me. Suivez. So I would have, my job is to show them that I'm using their money wisely. Mon rôle c'est de leur montrer que j'utilise cet argent là avec sagesse. Et vous allez voir comment j'utilise ça vraiment avec sagesse. Avec sagesse, d'accord? Vous allez vraiment voir comment j'utilise l'argent avec sagesse. And it's up to them, not to you or me. Donc ce n'est pas à eux, ce n'est pas à toi ou à moi. Donc ça veut dire que c'est ceux qui donnent l'argent. Quelqu'un dit le peuple. Et mon peuple prend plaisir à ça. Alors, c'est le peuple là-bas dit ceci. Je m'en fous quand il lui donne l'argent. C'est que je donne à Dieu. S'il peut, il fait n'importe quoi avec. Ok. D'accord, on peut continuer. On peut continuer. Up to them to support. No, not support. Vous avez entendu, bien aimé? Souvenez-vous, il a dit qu'il ne guérit pas. Il n'a jamais dit qu'il guérissait. D'accord? Ah, c'est grave, hein, frère. It's quite simple. Ah, là, voici maintenant. Écoutez bien. Vous remarquez, c'est toujours lui, n'est-ce pas? Il est là sur CNN. Suivez très bien. Larry King lui pose la question. Comment on peut reconnaître le vrai Dieu du faux? Il dit, c'est tout. C'est aussi, it's quite simple. C'est aussi simple. Suivez. See, Jesus said, by the fruits you will know them. Lui-même, il a dit. Il a cité ce que notre Seigneur a dit. Que par les fruits, tu vas le savoir. Maintenant, suivez quelques fruits dont tu le mets ici, suivez. And just watch the person's fruit. Vérifiez justement le fruit de la personne. Ils sont en train de vérifier, pas vrai, frère. Lui-même nous a donné un bon conseil. On continue. Écoutez. If they display a clean life, a Christian character. Si leur vie est propre et qu'ils ont le caractère chrétien, c'est-à-dire que si par exemple, ils savent que le chrétien ne doit pas divorcer. S'il ne divorce pas, on peut observer cela, n'est-ce pas? Les critères que lui-même donne. They show true Christianity. La vraie. then they're really for real. Alors maintenant, les critères, avec tout ce qu'on a entendu, si on applique ça sur lui, est-il un vrai chrétien, il vient de se dénoncer comme étant un faux chrétien. Makati, c'est grave. L'heure est arrivée pour qu'on s'y fait alliance avec la Sainte Parole. On abandonne les livres chrétiens. On lit la Bible. Ce sont eux qui écrivent. Avançons. New from Pastor Brian Houston, money. Alors, son journal, c'est le journal de l'argent. Ça, c'est l'argent. Écoutez très bien. Not one person in this building that doesn't need more money. Il n'y a personne sur la terre qui ne veut pas de l'argent. Donc, il commence par comme ça pour vous montrer qu'il n'est pas seul dans ces cas-là. C'est un prédicateur, il se met au pupitre, c'est ça qu'il prêche. Il prêche sa tête, il met sa tête devant comme ça que vous pouvez me le contrer. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'argent? Après, il va dire qu'avec l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Avec l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Donc voilà, on a envie de prêcher, mais c'est l'argent dont il en a eu parlé. Vous avez vu une prédication de l'apôtre pour approcher sur l'argent? Écoutez. Il s'appelle Brian Houston. Voilà son nom. I don't need more money. Then I would say you have a very poor outlook on life. You'll learn why you need more money. Donc voilà le livre, le CD qu'elle a fait. Le titre du livre, c'est tu dois savoir comment, pourquoi tu as besoin de plus d'argent. C'est un prédicateur. Voilà un livre, par exemple. Donc voilà la publicité qu'il fait, il fait sa publicité de son livre. You learn why you need more money. Au moins l'autre là, je comprends. Donc, c'est grave mon frère, c'est grave ma soeur. Voilà le prédicateur Brian Houston. Il écrit un livre pour te montrer pourquoi tu as besoin d'argent. Quand tu lis ça, tu te comprends, waouh, toi j'ai besoin d'argent comme ça là. Alors tu te livres à l'amour de l'argent, à la richesse. Souvenez-vous de ce proverbe chapitre 23, verset 4 et 5 qu'on avait. Que ne te tourmente pas pour t'enrichir. Veux-tu poursuivre ce qui va s'envoler? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On avance. L'argent, c'est l'instrument qui peut accomplir beaucoup de choses. L'instrument, c'est beaucoup de choses, ça crée beaucoup de problèmes. What money can do in your head is bless, it can help, it can build, it can increase, it can bring vision, it can strengthen. Je ne veux même pas citer ce qu'il a dit. Il a cité ce que ce modèle peut faire entre les mains, d'accord? Mais il a cité tout cela, mais sachez qu'il a écrit un livre, un CD où il te dit, montre que tu as besoin beaucoup plus d'argent. Voilà ce qu'un prédicateur du 20e siècle prêche à son église. Et mon peuple, souvenez-vous de ce Jérémie, chapitre 5, verset 31, verset partie B. Et mon peuple prend plaisir à cela. On y va. Voilà, celui-ci, c'est l'un des cofondateurs de TBN, il s'appelle Paul Crochet. Il est mort dernièrement. Il est mort. Son fils maintenant qui a pris l'Empire. Il s'appelle Paul Crochet, TBN. Il va dire dans sur son antenne, on va dire que Jésus-Christ n'a jamais montré qu'il est Dieu ni à sa naissance ni à sa résurrection, il n'a jamais été Dieu. Parmi autres, après il va se proclamer dans lui-même qu'il est Dieu, que Jésus-Christ lui a dit que je vous dis vous êtes des dieux. Je crois que c'est écrit, il faut qu'on étudie ça bien, d'accord? Et on répond aux questions dont il faut répondre. J'avais dit vous êtes des dieux, d'accord? Alors, suivez très bien. I'm tired of scribes, Pharisees, hypocrites, blocking God's bridges. When the harvest is perishing out there, and God's calling the body to come together, let him sort out all this doctrinal duty. I don't care about it. When I read in the Bible where he says, I... This is called Copeland, Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Il vient de dire que quand je lis dans la Bible, suivez. I am, I just smile and say, yes, I am too. Quand je lis dans la Bible, par exemple dans Exode chapitre 3, verset 14, où Dieu dit que je suis, je dis oui, et aussi moi aussi je suis. Il prend directement la place de Dieu. Vous allez vous en sortir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Frère Atalana, c'est grave. Vous voyez que ces choses, il faut qu'on prenne un temps vraiment pour éplucher ça, n'est-ce pas? On peut pas finir tant qu'on est là. Avançons rapidement. Celui-ci s'appelle Kim Clement. Et remarquez très bien, chacun a la télévision parce que c'est le moyen le plus pour toucher les maisons. They'll break the boundary set up by Saul and put a spear up the butt of a Philistine. Do we have a Jonathan in the house? Celui-ci s'appelle T.D. Jake. C'est le père spirituel de Paola White. À son 50e anniversaire, Paola White lui a acheté une petite voiture de 350 000 dollars. Le 50e anniversaire, mais tu payes 350 000 par 500 francs CFA. Vous savez combien de millions ça fait? 50 000. Et après cela, lui, il a écrit un livre qui a fait que le ministère de la femme explose aux États-Unis. Le titre du livre, c'est « Femme, vous êtes libérée ». Femme, vous êtes libérée. Et cette année-là, quand elle a fait cela, le mari de Paola White a divorcé de lui. Prendre des cocaïne. Après, il y a tellement de choses. On avance, d'accord. C'est juste T.D. Jakes. Lui, ce qu'il a de parler maintenant, puisque nous parlons de doctrine de prospérité, sur le principe de la semence et de la récolte. This seed. I'm not worried about no financial return, but hook this family problem up. If you're in à la femme de Paola, la femme de Benny Hinn, Suzanne, avant qu'elle ne divorce, après 30 ans de mariage, elle prêchait aussi dans le Saint-Esprit. Elle prêchait aussi pour dire que le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Après, va courir comme pas celui qui fait suivre. It's not revving up. You know what you need? You need a Holy Ghost enema right up your rear end. Ce qui ici, il dit qu'il n'a pas besoin d'aller aussi pour avoir sa part de construction des orques, vous voulez. Il veut ça maintenant. Oui, suivez, frère. I mean, when I get to glory, all my bills will be paid, brother. I won't have bills in glory. I won't need to worry about bills in glory. I can have it here. Vous comprenez, vous avez suivi de sa bouche, non? Il ne veut pas ça là-bas. Oh. Il se fait que quand il serait là-bas, il pourra avoir dans la gloire. Il croit que la gloire, il serait là où il serait, il ne sera pas là-bas. Il sera dans le béton. Il dit ici, il veut sa part, ici. Alors maintenant, ici c'est Toronto Bless, le réveil qui a eu lieu à Toronto, à l'aéroport de Toronto. Alors voici le Saint-Esprit que les gens ont eu. Le Saint-Esprit. Voilà le prédicateur. Ne vous inquiétez pas, on va venir sur le cas si particulièrement c'est le baptême du Saint-Esprit qui est venu dans les églises pentecôtistes. C'est pour ça que je vous ai parlé de parler en langue. J'ai compris que jusqu'à là, vous n'avez pas encore assimilé. Je me suis resté tranquille. J'ai dit qu'on va y revenir dessus. Je vais d'abord vous montrer les dérives de ça avant de revenir dans la Bible sur cela. Quitte là-bas. Descends. Donc voilà un prédicateur qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi, frère? Oui, je voulais dire que là où je suis, il y a eu un assemblée d'avance, c'est quand tu crois. Quand ils font les jeux, les gens en voient là-bas comme le chien. Vous voyez, c'est une branche de ceci. On avance. Non, c'est l'aboiement du Saint-Esprit. L'aboiement du Saint-Esprit. Ce qui est là, c'est que vous allez voir les grands prédicateurs du monde entier sont assis ici. Chacun reçoit sa part. Ils rentrent dans l'assemblée et ils impartent cela. Quelqu'un dit brigade de formation. De faux. On avance. Donc, vous avez celui qui a le Saint-Esprit, le corps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit passe partout. Il fait ça prend les gens dans la salle. We don't have to pray for your will, Lord. Il vient de dire, celui-là, si bien là, dit que non, je vous ai dit ça ici l'autre jour, il dit que non, pas besoin de prier que ta volonté soit faite. On n'a pas besoin de prier ça. Après, ils vont développer ça. Béni va sortir avec ça. Je vous ai dit ça l'autre jour, que Job a dit que Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, que ton nom soit glorifié. Comment tu peux dire que glorifier Dieu s'y prend ta femme? Comment tu peux dire ça? Vous allez suivre. Donc celui-ci, il s'appelle Rick Warren. Rick Warren, celui qui a fait la prière quand Obama prêtait serment. C'est lui. Celui qui se vend d'abord pour former 350 000 personnes pasteurs dans le monde, dont 350 000 fous qui vont reproduire chacun. Si chacun reproduit 350 000, ça fait 350 000 au carré. Celui qui a écrit The Purpose Driven Church et une vie motivée par l'essentiel, dans lequel il dit qu'il faut développer pour que l'église grandisse. L'église, que le nombre de personnes vienne chanter les musiques que les gens chantent dans l'église. Faites que les gens bougent. Que la voie la plus déterminante pour qu'une église grandisse, c'est pas la chorale. Ce qui ne se trouve pas dans la Bible. Voilà le docteur en théologie. Et voilà. Et c'est ça que nos frères regardent à l'extérieur et disent, waouh, son église est grande. On laisse le modèle biblique. C'est pour ça qu'on va nous présenter ces choses et rentrer dans les maisons. Ils vont dire que pourquoi? Tu me dis que telle personne c'est ici, lâche et espacer la voix qui mène à la perdition. Pourquoi ils vont? Tu veux me dire que Paola White là, il quitte le territoire. Je vais mettre pour une autre femme ici là. Son mari est mort. C'est elle qui enseigne dans Paris Centre Chrétien. Dorothée Ratio, c'est Dorothée. Vous allez la suivre. Vous allez suivre ça. Suivez Rick Warren. The bottom line is, God gets pleasure watching you be you. Why? He made you. Quand Dieu au ciel, il prend plaisir de te regarder être toi comme il t'a créé. Donc, il vient de prendre. Vous voyez, il y a des choses que vous faites à l'université, à l'école, vous ne comprenez pas comment vous faites. Remarquez que l'un des traits caractéristiques de la philosophie, c'est le maître de Socrate avait dit connais-toi. C'est ça qu'on a développé comme ça. Ne cherche pas Dieu. Rentre en toi, mais le vrai toi. Dieu est en chacun de nous. Élève, garde un niveau. Ce qu'il a dit qu'on a écrit sur le temple, devant le temple des devs, là, c'est ça qu'on a développé comme ça. C'est pour ça que vous voyez que la philosophie, là, ce sont des sciences diaboliques. On donne ça à l'université, on vous enseigne à l'école, dans la classe philosophique, vous ne savez pas pourquoi on a de vous enseigner, pour vous préparer. Quand ça va venir dans le New Age, dans la religion orientale, vous acceptez parce que vous avez assimilé ça, les cours élémentaires. C'est frère, voilà ce qu'il a dit. And that same Holy Spirit wants to send spiritual light to a darkened world today, but he's waiting for you and me to say, ooh, that... Ici, ça c'est qu'on va voir la pensée positive, la pensée créée. Donc, tu parles n'importe quoi. Le Saint-Esprit attend ce moment que tu parles pour qu'il crée. Spoken word is the key. La parole parlée, c'est la clé. Donc, tu parles sa clé. Tu parles. Il vous montre ça dans le New Age. Speak that thing. Parle. Parle. Donc, tu m'en dis, l'être humain, c'est une créa. L'être humain, c'est sont les créas, les créateurs. Decree that thing and it shall come to pass. Come to pass. What? Décrète, ça va arriver. Autrement dit, si tu dis que ton mari, je prépare mon mari, l'envoûtement. On y va. Whatever it is in your life that you're decreeing. But I believe God with you that as you sow tonight, you're going to sow this and you're going to reap that. Et quoi Dieu ce soir, c'est quand comme tu vas semer cette semence, tu vas récolter au sensible. T.B. Jakes, principe des semences et de la moisson. L'origine de cette doctrine vient de quelqu'un qu'on appelle Oral Roberts. Il a créé à l'université ce qu'on appelle Oral Roberts University. Donc l'origine de la doctrine. Je vous ai dit, quand il vous enseigne, c'est que chaque fois qu'on injecte une semence, même si la personne n'est pas sainte, ça va progresser. La power, les gens de faith thinking, c'est leurs grands-parents. Je vais vous montrer là-bas, il s'appelle Kenneth Hagin. Il a écrit beaucoup de livres sur la prière, beaucoup de livres sur le monde spirituel. Pourtant, quelqu'un qui juste a guéri. On avance là. Give him a supernatural miracle tonight. Pendant que tu sèmes, Dieu te donne un super miracle. You've got to say it, you've got to speak it, you've got to decree it. Ouais, à force de parler, quand tu tournes vers Dieu, il dit la même chose. Tu te tournes vers Paul Croix, il dit la même chose. Béni, il dit la même chose. La télévision, vous matraque comme ça, finalement, vous allez accepter. Et le peuple américain se trouve dans l'apostasie comme ça aujourd'hui. Et on a en train d'importer ça là-bas. Les gens vont aux États-Unis. Quand un prédicateur, pour surprendre les gens, je dis, je suis allé aux États-Unis. Quand on dit aux États-Unis, quand quelqu'un dit aux États-Unis, je commence à faire comme ça, je commence à fuir. Parce que c'est qu'il est pourri. Quand quelqu'un dit qu'il est allé aux États-Unis, il est pourri. L'apostasie est grave là-bas, frère. Et Dieu a pourtant réveillé cette nation-là, suscité des gens là-bas pour les. Mais chaque fois, ils sont rentrés dans l'apostasie. Et cette fois-ci, les ténèbres, c'est grave. You decree the thing, you pay your vow, and then he brings it as it's in the world. Tu payes ton truc là, tes offrandes là, et puis Dieu vient ça à l'existence. I know this might sound a little sacrilegious to some of you, but really, in essence, you could call me a Holy Ghost bartender. On peut l'appeler ou non, on peut l'appeler, donc vous pouvez l'appeler le royaume du Saint-Esprit. Voilà. Il dit, et mon peuple, vous voulez que Dieu ne prenne pas plaisir. But I want you to know tonight the bar is open. I would literally see forms of angels appear in my bedroom. Just donc, il dit que dans sa chambre, il voyait les formes des anges apparaître. Écoutez bien, vous lisez la Bible, non? Chaque fois qu'il parlait, pour proclamer ses paroles comme ça, il a vu quatre anges dans sa chambre. Suivez bien. Watching me talking. And every. Pendant qu'il parle comme ça, quand il parle cette déclaration-là, les quatre anges viennent pour le voir parler. Donc l'ange descend pour le voir parler. Dans sa chambre, ils sont quatre. Dans sa chambre. Et il est là, il dit qu'il est assis, il le voit. Ma Bible me rappelle que toutes personnes qui ont vu les anges ont été terrifiées. Lui, il a quatre. Dans sa chambre. Il s'asseye, les anges le voient comment il parle. Décret, suivez. Suivez, il y a même un ange enfant là-bas, suivez. Tell me how I would do it. It looks so puzzled like. And I saw them in different shapes, by the way. I actually saw a little one. And about the size of a little boy. I saw. Il a dit, mais un petit ange qui était comme ça, comme un petit garçon. Béni. Où est-ce que l'église va, frère? Ou mieux, en fait, la question c'est, où est-ce que l'église va? L'église est toujours à quel niveau? L'église se trouve à quel niveau? Chaque fois que nous prêchons ces choses, on croit peut-être qu'on a des vouloirs seulement fustiger les gens. Frère, je vais vous mettre ça devant vous pour que vous preniez conscience de ce qui est distillé sur le, au peuple. D'accord? On avance. Ok. Voici donc l'un des trucs de ce mouvement de Théoronte. Voici une femme qui a de vouloir prophétiser. Vous allez voir le Saint-Esprit, d'accord? Last night when Chastity saying, you know, come running. Regardez le nom Tom Roney. Tom Roney, c'est celui qui disait tout à l'heure qu'il était le bagage qui était le roi du Saint-Esprit. Mm-hmm. C'est eux qui ont amené cette histoire que vous avez vu le monsieur André faire comme le chien là. Je vais vous le montrer, d'accord? Donc la femme, elle a parlé que la nuit dernière, apparemment, ils ont eu des campagnes plusieurs nuits de suite. Après, elle a raconté une histoire, mais observez ce qui se passe. Vous avez le baptême Saint-Esprit, pendant qu'il parlait, le baptême Saint-Esprit est venu sur elle. Mm-hmm. Ça a gâté la réunion. Créatrice de Dieu sur son sperme. Alors, ne vous inquiétez pas, il va encore redire ça, suivez. Mon peuple. God is his sperm. The word of God that created is his sperm. Écoutez bien. Donc voilà qui parle avec énergie, avec la sueur. On y va. Il va nous tuer, vraiment, il a de les tuer. On avance. La seule quartier est dépassée. L'autre ici donne beaucoup plus de chaleur que la chaleur même qui est dans la salle. On avance. Il dit que c'est pour ça que Dieu dit dans sa Bible qu'il n'y avait pas de révélation. Parce que la parole qui était avec le sperme n'était pas la suivie. Finally, I got it then. That Jesus literally suffered the flames of hell. What's he saying? Cette là non seulement elle ne doit pas parler ce qu'elle parle, elle blasphème en disant que Jésus a souffert 3 jours en enfer. Il dit Jesus literally spent 3 days suffering in hell, so that I don't. Donc autrement dit, il n'a pas besoin. Voilà, il veut la doctrine pour lequel, pour montrer que les chrétiens doivent souffrir. Il montre jusqu'à dire que Jésus allait à l'enfer, souffrir en enfer. Donc autrement dit, personne ne peut souffrir en enfer même. Donc il n'a même pas souffrir. Parce qu'une femme a rien à vous dire. Là, ça n'a pas de message. We don't have to. Même son nom, pourquoi on donne son nom encore? Pourquoi la glorifier? Ok. Now come and talk. C'est Paola White. Écoutez très bien. Ouvrez Jean chapitre 3. Rapidement, bien aimé, avant qu'on continue. Beaucoup de courage, d'accord? Je sais que vous êtes heurté. Je sais que vous êtes choqué parce que vous allez entendre. Ou mieux encore, peut-être vous êtes déçu par certaines personnes. Peut-être que vous croyez être les ténors de ces gens. Et beaucoup des serviteurs de Dieu que vous voyez là sont c'est leur modèle. Sortent de là. D'accord? Vous allez voir, je peux vous montrer, vous allez voir les murs. Les murs, qui, la qualité qu'il y a en Jésus. Que Benny Hinman vend sur son site. Les mouchoirs qu'il fait pour vendre à 50 doivent le prier sur ça. Jean chapitre 3, lisez le verset 16, vous connaissez, mais je veux que vous ayez ça devant vous. Allons-y. À haute voix. Donc Dieu a envoyé qui? Son. Écoutons là-bas. Priestly anointing. Jesus is not the only begotten Son of God. He is. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Jesus is not the only begotten Son of God. Dites-moi ça en français. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai fait que vous lisez d'abord ces versets. Jesus is not the only begotten Son of God. Il dit Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. La version anglaise, ce que vous venez de lire, dit For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Le celui-ci dit Jesus is not the only begotten Son. Traduction française, ça veut dire. Jésus n'est pas le Fils unique de Dieu. Autrement dit, il prêche un autre Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3 et 4, on a lu là-bas. Il dit que si vous pouvez supporter un autre évangile, vous pouvez recevoir un autre esprit, un autre évangile, embrasser un autre évangile. Mm-hmm. C'est exactement ce que les gens font. Donc la Bible dit devant vous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Celui-ci dit sur l'antenne que Jésus n'est pas le fils unique parce que lui aussi est un fils de Dieu. Vous entendez ça, frère? Pas étonnant que l'autre, quel copain, a dit que Dieu lui a dit que ne te sous-estime pas. Parce que si Jésus n'était pas disponible, il devait t'envoyer à la croix. D'autrement dit, il pouvait aller à la croix, mourir pour l'humanité. Vous riez, ce sont des prédicateurs, des grands docteurs qui ont des grands empires, des grandes maisons, des grands jets privés, des maisons sur des superficies en bordure des mers, qui discutent des postes avec des gouverneurs. Pas étonnant qu'ils disent qu'ils veulent régner, ce sont des régnés. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? Il dit que Jésus n'est pas le fils unique de Dieu. Et remarquez très bien, il va encore blasphémer. Il va dire Jésus qui n'a jamais qu'à ses disciples qui va prier pour eux. Que je ne peux pas parler au Père pour vous. Passez-vous, mais allez parler au Père. Suivez. Not, I'm a son of he's God. He's the first fruit. He's the first fruit. He's the first born of many. The job of the preacher is to bring fresh sperm. Le rôle d'un prédicateur, c'est d'amener le sperme frais. I am a little. Écoutez, ça va, on continue. Quoi? Ça vous secoue? Oui, on va le faire, on avance. Maintenant, écoutez bien ce que ceux-ci vont dire. C'est toujours eux, hein? C'est toujours entre eux. Voici Connie Copeland, voici sa femme. Gloria Copeland. D'accord? Suivez ce qu'il dit. Yes. Voilà, Paul Croce avait sa femme également. Donc, Paul Croce venait dire que I am a little God. Il a dit, yeah. Je suis un petit Dieu. Il a dit, oui. Esaïe 44 et 45, 48 partout dit que je suis Dieu, l'unique Dieu. Il n'y a point en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. À côté de moi, il n'y a pas de Dieu. Avant moi, il s'est fermé de Dieu et n'en connaît pas. C'est parce que la Bible déclare. Yes. I have his name. I'm one with him. I'm in covenant relationship. I am a little God. Vous avez entendu? Vous avez entendu? I am a little God. Donc finalement, en fait, cet évangile a un but. On a envie de placer l'homme en détrônant Christ. Et cette chose va conduire donc à ce surhomme. La Bible, prenez la Bible. Merci Père. Deux Jean. Rapidement, bien aimé. Le livre de Deux Jean. Je vais quelqu'un qui va lire. Prête un étoile, n'est-ce pas? Deux Jean, versets 7 à 11. Papa, t'en es lié parce que vous allez me lire petit à petit. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Oui. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Vous avez entendu? Ils ont quitté ce plan-là. Ils réunissent Jésus. Il n'est pas le fils unique. Il n'est pas le seul fils de Dieu. Il est ceci. Nous sommes Dieu. Nous sommes ceci. Nous sommes ceci. Je peux faire monter mon esprit par moi-même. On dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ça, c'est écrit depuis des années. Les voilà qui sont devant nous maintenant. Il dit qu'il ne confesse point Jésus qui venait en chair. Il dit allons-y, frère. Celui qui est tête, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous avez entendu? Ils sont contre Christ, anti-Christ. Après, on nous donne les instructions maintenant. Prenez garde à vous-même. Vous avez entendu? Peuple de Dieu, prenez garde. Peuple de Dieu, prenez garde. C'est la même chose que Jésus avait dit. Quand ils ont posé la question dans Matthieu 24, que Seigneur, à quoi serons-nous votre avènement de la fin du mois et les signes de ces choses-là? Première chose qu'il a dit, il a dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. La première chose qu'il leur a dit, en donnant les signes. Le premier signe qu'il a donné, c'est l'apostasie. Le premier signe que le Seigneur Jésus a donné à Matthieu 24, c'est l'apostasie. Prenez garde que personne ne vous séduise. L'apôtre Paul a donné dans 2 Corinthiens 11, verset 3, que de même que le serpent par sa ruse a séduit, ce qui fait que votre pensée n'a été séduite. Quant à la simplicité de Christ. Donc, il a été prêché simplement. Les gens ont utilisé le contour et ont séduit les gens. C'est bien aimé. Il dit prenez garde. Que quoi? À vous-même. Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc veillez sur vous-même. Chacun veille sur sa vie spirituelle. Jésus avait dit que votre règne soit sain. Il avait dit ça, non? Que prépare. Gardez la façon que vous écoutez. Faites attention. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, il a dit prenez garde que personne ne vous séduise par des philosophies humaines, par des traditions des hommes et non c'est Christ. Il a dit ça à Colossiens chapitre 2. Verset 6 dit que chapitre 2, verset 6 dit quoi? Il dit maintenant que vous avez reçu Christ, marchez en lui. Si vous quittez que dans tous les fichus, partout sur la mise en garde dans la Bible. Il a dit prenez garde. En fait, je voulais te montrer ça pour montrer comment les gens entrent de détrôner Christ, pour présenter notre Christ. Vous voyez cela? On dit que prenez garde à vous-même. Et la Bible va même plus loin, verset 11, on a dit si quelqu'un lui dit salut, il participe à ses mauvaises œuvres. Parce que si je leur dis salut, les gens ne disent pas seulement salut, ils achètent leurs œuvres. Vous allez chez quelqu'un, il a les œuvres de tel ou tel pasteur qu'ils ont acheté mettre là-bas pour enrichir son empire. les bénédictions que Dieu leur a données pour jouir et donner aux frères qui sauvent, on prend pour aller donner aux gens qui sont en train d'insulter Christ. L'autre va même expliquer là-bas exactement comment ça se passait en enfer. Ils vont dire que quand Jésus-Christ allait en enfer, Satan était sur son trône, les démons étaient là en train de rire. On a botté le corps de Jésus-Christ pendant 3 jours. En fait, si dit qu'on sait qu'il était en enfer avec lui. C'est pas ça. Hein? Écoutez encore. Somebody's attacking me because of something I'm teaching. Quelqu'un attaque à cause de quelque chose qu'il enseigne. Suivez. Let me tell you something, brother. Il pointe le doigt à moi. Il a pointé le doigt au bras que je te pointe le doigt. Je suis, il dit à moi que je suis en train de parler des choses qu'il enseigne. Écoutez ce qu'il va me dire, d'accord? C'est à moi qu'il disait, pas à vous. Amen. Suivez. You watch it. You know, I've looked for one verse in the Bible. I just can't seem to find it. One verse that said if you don't like him, kill him. Il dit que si il prenait la Bible, j'ai cherché dans la Bible pour voir s'il y a au moins un verset qui pourrait dire si tu ne l'aimes pas, tue-le. Il dit que je souhaiterais voir de tes versets. Donc le résultat, c'est que si tu tentes comme ça, il te tue seulement. Il a cherché, il n'a pas vu l'autre là pour me tuer. On continue. C'est qui encore ici? Notre célèbre, n'est-ce pas? But don't mention people's names on your radio program and your TV program. Thinking you're doing God's service. C'est pour ça que ce qu'on a vu ici à l'entrée était nécessaire. Il dit que ne mentionne pas le nom des personnes en voulant les accuser dans votre service de radio et de télévision pensant faire l'œuvre de Dieu. Donc il dit que l'apôtre Paul, Jésus et autres ont tort. Nous avons vu ça dans les Écritures, n'est-ce pas? Mais voilà un grand évangéliste qui ne connaît pas que dans la Bible ça s'est écrit. Vous avez vu, n'est-ce pas? On a lu ça ici ensemble, pas vrai? De ce nombre sont illuminés et filets qui enseignent que la raison a d'ailleurs lieu en faisant comme ça, il détourne les gens de la foi. C'est pas ce qu'il écrit. L'apôtre Paul dans sa radio mentionnait ça dans son programme. Il dit ça à l'apôtre pour un point dans le doigt comme ça. Tu veux, hein? You're not. You stink, frankly. That's the way I think about it. And I want to say to all you scribes, Pharisees, heresy hunters, all of you that are going around picking little bits of doctrinal error out of everybody's eyes and... Il est en train de donner comme ça des avertissements à tous ceux qui partent partout, ils prennent les doctrines sur les gens pour montrer que c'est faux. C'est Paul Crouch là. Pour prendre les doctrines, il nous appelle les pharisiens. Suivez ce qu'il va dire. Dividing the body of Christ and arguing over splinters and doctrinal hairs and dissipating and wasting of our time when the world's going to hell. I say, get out of God's way. Quit blocking God's bridges. For God's going to shoot you if I don't. C'est le dernier passage qui est intéressant. Il dit que quitte sur la route là-bas, quitte, je m'adresse pas à toi qui fais comme ça pour diviser le corps de Christ. Il dit que tu ne quittes pas, Dieu va te botter sinon si je ne le fais pas. Après l'autre va dire maintenant que s'il veut que le Saint-Esprit donne un âme, s'il avait l'âme du Saint-Esprit, il devait te suivre. Call in, I can't pray until you call in, don't let me... Celui qui parlait du sperme de Dieu là. Say it's too late, don't let me say it's too late. Sometimes I wish God give me a Holy Ghost machine gun, I'll blow your head off. Vous avez entendu? Holy Ghost, vous savez les armes qu'on tue sur les gens là-bas, qu'il faut que le Saint-Esprit donne sa part là, il tue sur les gens. In order to stop people from... Ok, suivez. Voici donc celui qu'on appelle son nom même était présagé pour qu'il prenne la doctrine et prospérité. Quand il est né, son nom qu'on lui donnait c'était Dollar. Vous pensez que quand un père donne ce genre de nom à son enfant, c'est pour qu'il fasse quoi? Donc, comment quelqu'un, quand on accouche, il y a beaucoup de noms dans le monde, on cherche seulement le nom de l'argent pour le nom. Donc tu accouches ton enfant, tu mets son nom héros. Tu es surpris que l'enfant soit à 5 pour aller chercher de l'argent chaque fois. Maintenant, regardez la posture des serviteurs dits de Dieu. Regardez bien la posture pendant qu'on a posé la question. Regardez bien. Parce que je n'ai plus posé la question suivante. Vous avez la façon qu'il est assis, n'est-ce pas? Le monde, c'est eux qui gouvernent. Ils ne sont pas n'importe qui. Regardez bien. Alors, c'est lui donc le corps de l'acier. Ici, donc, il est en train de dire que empêcher quelqu'un d'être sauvé, pour empêcher quelqu'un d'être sauvé, c'est l'empêcher d'être prospère. Si vous voulez empêcher quelqu'un ne soit pas sauvé, empêchez-le d'être prospère. Et si vous empêchez d'être prospère, vous allez désobéir au commandement de Dieu, Chronique 20:20, qui dit que crois à tes prophètes. Quoi, je vous ai dit ça ici la dernière fois. Et alors là, pour que vous prospérez. Dans la version anglaise, c'est for you prosper. Votre version là en français, c'est afin que vous réussissiez. Et dans le contexte des chroniques là, il s'agit de faire confiance à ce que les prophètes ont dit pour réussir à la guerre qui est devant. Lui parle de prospérité matérielle. Tu veux. And in order to stop people from prospering, then you got to get them to violate 2 Chronicles chapter 20, where it says, trust in your prophets, so shall you prosper. Donc, quand il va le mot prospère partout, c'est la prospérité. Donc, si tu fais ça, c'est que tu as violé le commandement de Chronique 20. Donc, tu m'as dit, pour que quelqu'un soit sauvé, c'est par la voie de la prospérité. What it means? Larry Warren. Suivez comment, suivez la tenue. Ici, je ne veux pas faire de commentaires, je vais vous laisser le soin de méditer sur ce qu'il a dit pour voir si c'est scripturel. Suivez très bien. Qu'est-ce que veut dire être un suiveur de Jésus-Christ, d'accord? Suivez bien, suivez ça. Je vais traduire en français, il ne commenterait pas par rapport à la Bible, d'accord? Say, I give as much of myself as I understand. Je donne le plus de moi comme je le comprends. Comme je le comprends. Il dit, qu'est-ce que veut dire être disciple de Jésus-Christ? Ça veut dire, d'après Rick Warren, celui qui a formé 350 000 pasteurs dans le monde entier. Ça, c'était en 90. Maintenant, on ne sait pas combien de nombre c'est bien. Les fous qu'il a laissé. Il dit, que veut dire être suivi de Christ? Ça veut dire, m'étonner autant mieux que je comprends. Je me comprends. Et puis, un deuxième volet. To as much of Jesus Christ as I understand at that moment. Et à plus, comme, selon que Jésus-Christ aussi le comprend à ce moment. Et puis, continuer la vie. Suivez. And then you keep growing it. C'est l'église de mon père que les gens dirigent comme ça. L'église de mon père. Écoutez maintenant ce qu'il va déclarer ici. C'est ici donc que Benny va dire que pour Dieu bénisse, il va toujours passer d'abord par le pasteur pour bénir d'abord en premier lieu. Il ne peut pas bénir, quelqu'un ne peut pas prospérer dans l'assemblée tant que le pasteur est pauvre. Écoutez bien de sa propre bouche. Do you know that God never blesses sheep before he blesses shepherds? Il ne dit pas God sometimes, il dit God never. Donc le principe là est clair, c'est établi. Que God never bless the sheep before blessing shepherd. Vous savez, si vous prenez sur le plan humain même, il y a des bergers qui peuvent sortir avec les brebis pour aller donner les herbes, lui n'a pas encore mangé. Vous savez ça, n'est-ce pas? Par les docteurs en théologie. Shepherds get it first, then the sheep get it. Shepherd get it first, then the sheep get it. Après, il tourne comme ça pour dire que si vous nous donnez, c'est alors que vous êtes bénis. C'est la seule façon que vous soyez bénis, c'est que ce nous déclenchons. Vous savez, c'est... Because sheep follow shepherds. La situation, c'est que c'est les brebis pour suivre les conducteurs, pas vrai? Mm-hmm. If we shepherds follow sheep, we're gonna have poo on our shoes. Is that an Israeli word? Something like that. So the sheep must follow the shepherds. And God always blesses the shepherds first. So a pastor can never see his church prosper if he is poor. Tu as entendu? Là, j'ai pas besoin d'interpréter, n'est-ce pas? So a pastor can never see his church prosper if he is poor. Prenez Actes chapitre 2. Enfin, on a lu ça la dernière fois dans la première volée. Dans le premier volet. Dans Actes chapitre 3, verset 6, nous avons vu comment Pierre dit qu'il n'avait ni or ni argent. L'autre a même dit que jusqu'à beaucoup assez de l'argent, les comptes en banque. Assez d'argent, les comptes en banque. Et il avait un trésorier, Judas. Et souvenez-vous, il prend toujours la Bible, il tord. Parce que celui-ci, c'est Joel Austin. Celui qui a écrit le livre de 7 lois pour vivre une vie heureuse. Il est sur CNN. En pleine émission, la plus grande des télévisions, les chaînes de télévision dans le monde entier. C'est-à-dire que l'occasion est donnée à un être humain pour prêcher l'évangile et toucher les gens. Pour vous montrer qu'il sert un autre évangile. Il prêche un autre Christ. Comme il sait très bien qu'il ne peut pas se compromettre parce qu'il va aller dans le pays là pour avoir de l'argent. La question de Larry King est claire. Est-ce que dans la religion musulmane des juifs là, les gens vont aller en enfer ou bien vont croire à Christ? Vous savez les questions qu'on pose là? On pose évidemment qu'on dit que non. Vous voyez que les milliards de chrétiens, les milliards de musulmans vont aller en enfer ou pas? Ma Bible dit dans Jean chapitre 5 verset 11 que celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est pas ce qu'il écrit. Ça devait être clair. Et on sait que la religion musulmane dit clairement que Dieu n'a pas un fils. Donc ils sont de rejeter le fils. Tu rejettes le fils, tu rejettes le père. Donc c'est clairement établi là-bas qu'un musulman, à moins qu'il croit en Jésus-Christ, ne peut pas avoir la vie éternelle. Et par conséquent, sa demeure future, c'est un enfer. On est d'accord, n'est-ce pas? On pose la question à ces messieurs sur CNN. Écoutez très bien sa réponse. You know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? C'est Joel Austin. Je suis prudent quand tu as dit celui qui va aller au ciel, celui qui va en enfer. Que je ne peux pas. Suivez. Suivez encore. I think only God. You believe, you have to believe in Christ. I believe. They're wrong, aren't they? Well, I don't know if I believe they're wrong. Il dit que je ne sais pas si je crois qu'ils sont dans l'erreur. Un prédicateur, un grand pasteur. Il ne sait pas lui si les musulmans sont dans l'erreur ou les juifs sont dans l'erreur. Et sa Bible, si le cas des musulmans s'est réglé, parce que c'est or. La Bible dit que les juifs ont rejeté Jésus. Et jusqu'à présent, la Bible déclare, Romains chapitre 11, que jusqu'à présent, à cause de nous, cette même endissement demeure. Quand, si ce moment, Christ va se retourner vers eux, le poids va être ôté, ils seront hantés de nouveau. La Bible dit ça. Il dit qu'il ne connaît pas lui si c'est vrai. Tu vas aller en enfer ou pas? Et c'est sur cette même chaise que Billy Graham va dire la même chose. Qu'il a eu le temps pendant 50 ans à prêcher sur l'évangile de l'enfer. Maintenant, il prêche l'évangile de l'amour. Parce qu'il sait que Dieu est amour. Sur cette même chaise. C'est ici qu'on les attend. C'est à Sicienne, Sicienne qui les livre en spectacle. C'est même Joey Austin va venir sur notre émission, toujours ici, ici, et on va lui poser la question par rapport aux Mormons. Les Mormons croient en Jésus, en Dieu et en plusieurs autres dieux. La religion musulmane, juive et chrétienne sont les trois religions monothéistes qui disent clairement qu'il y a un seul Dieu avant que les dieux soient divers. Lui, on lui pose la question, les Mormons sont-ils les chrétiens? Il dit que je crois qu'ils le sont. Deutéronome chapitre 6, verset 4 dit que, écoute Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, est le seul Éternel, il n'y en a point d'autre en dehors de lui. C'est ce que la Bible déclare. On a posé jusqu'à là, il a dit que voilà, voilà ce que Dieu a dit à Israël. Il y a un seul Dieu. Les Mormons disent qu'en dehors de Dieu, il y a beaucoup d'autres dieux qui ont créé les terres, il y a beaucoup d'autres terres dans leur Bible. Un prédicateur de la Bible dit que les Mormons sont les chrétiens. On continue, mes bien-aimés frères. Vous, est-ce, jusqu'à présent, vous me comprenez dans la méthodologie, c'est pourquoi ils sont les présents, toutes ces choses? Je ne présente pas pour que vous partez discuter, c'est pour que vous compreniez l'heure où nous sommes de vivre. Vous preniez garde à ce que vous en faites et désormais que vous soyez vigilant par rapport à ce que vous entendez. Et alors là, que vous sachiez, quand vous trouvez quelqu'un d'un ministère ou d'un autre, vous essayez, vous pouvez aider la personne. Et je vous avais dit donc que si vous avez des clés, vous avez des CD, vous avez des CD, donnez que je vous donne de telles choses, vous gardez avec vous. Vous avez quelqu'un à la maison qui discute, ne discutez pas avec la maison, viens. Si quelqu'un dit non, Benihin, viens t'asseoir. Tu le mets, écoutons ce que Benihin dit. Il vérifie dans la Bible. On vérifie. Après, tu laisses la personne partir avec ça en lui. Jesus said, don't pray to me. Vous avez entendu? Jesus said, non, ne me priez pas moi, suivez bien. I'll not go to the Father for you. Vous avez entendu? Que Jésus a dit que je ne vais pas au Père pour vous. Il dit, you. You go to the Father because that curtain is open and my blood has atoned for you. Go on in. The water's fine. Jésus a dit que je ne prie pas pour vous. Je ne partirai pas prier au Père pour vous. Allez vous-même. Parce qu'il a coupé là, il a ouvert la voie. Allez vous-même. Et Jésus a déclaré sa bouche que nul ne va au Père. Prenez le temps de lire Jean chapitre 14, Jean chapitre 15. Exactement là où Jésus a fait des déclarations là. Ma soeur, mes frères, l'heure est grave. Quelqu'un dit l'heure est grave. Celui-ci dit qu'il ne connaît même pas conduire l'avion, mais son rôle c'est seulement de l'acheter. J'achète seulement. Tu veux? I have a plane and I make some people mad, but I need one. J'ai un avion. Je fais que ça rend les gens fous, mais j'en veux un, même si je ne sais pas conduire. Tu veux? What do you want me to do? Ain't my fault. I don't know how to fly it. I just know how to buy it. Je ne sais pas comment monter, comment conduire ça, mais c'est seulement acheter. Et vraiment, il vient insulter les gens qui lui donnent l'argent pour acheter cet avion. Regardez. Après, il rit. Alors maintenant, ici, il s'agit de Ken Copeland et c'est de Rick Roney, dont la femme parlait et bougeait là. Ici, il va mettre une autre version vidéo. Ils sont allés parler en langue dans l'assemblée, à deux, en communiquant. Et à l'issue d'ici, ils vont appeler quelqu'un là-bas. Ils vont dire littéralement, viens prendre la marque de la bête. La personne va monter, ils vont mettre la main sur son visage. Après, ils vont parler. Les gens vont venir mettre l'argent. Après, ils vont prier en langue, en déclarant, on va mettre ça à ralentir. Ils vont dire que Satan fait que l'argent sorte davantage pour tous ceux qui donnent le dîme. Satan, en invoquant Satan. On continue. You ain't going back to a struggle. I said you're not going back to a struggle. You. Comme tu sois, tu ne pars plus dans les difficultés. Tu ne pars plus souffrir. Donc il refait. C'est celui qui parlait de sperme là. Hein? Vous vous souvenez de lui? Donc c'est le sperme qui en est donné aux gens, c'est pourquoi tu parles maintenant pour accoucher vraiment. You might have left the struggle, but you're not going back to a struggle. You're not going back. Make that pledge. Make it right now. Get on the phone. You're going in the sweatless victory. Vous voyez que le dénominateur commun ici c'est de l'argent, de la cupidité. Comme deux pieds dit, n'est-ce pas? On continue, bien aimé. On arrête ou on continue? On a trop vu. On arrête, n'est-ce pas? Donc, la prochaine fois, on va continuer. À partir de ce niveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, on met pour Aou Wafo. On met pour Aou Wafo, c'est ça? On met pour Aou Wafo. Ok. Donc, vous voulez voir les compatriotes. Vous voulez voir les compatriotes. Pour lui, encore grave. C'est-à-dire, il y a des fois où quelqu'un, je peux être maître de Feynman, je te prends dans mon école pour t'en faire Feynman, tu viens encore, tu dépasses même, tu me dépasses même à l'intérieur. Mm-hmm. Donc les gens qui assimilent cette force d'autorité, parce qu'ils deviennent encore plus forts, encore plus que les gens qui les ont enseignés. J'imagine que si Alexandre Sévère se réveillait, souvenez-vous Alexandre Sévère, celui qui avait la pensée de donner des temples aux gens, il entre dans la ville de Dieu, il va dire que waouh, qui a réalisé mes projets comme ça? Absolument. Vous voulez donner des temples aux chrétiens, il y en a tellement ici là-dedans. Alléluia. Donc voyons, commençons quelque part. Où est-ce que se trouve Tonton Raoul. Prenons le côté. Je vais choisir certaines personnes. D'accord. Écoutez. Jésus n'a pas parlé du problème, il a parlé au problème. Ça commence directement là, il ne blague pas. Vous allez voir le talon là derrière. Ce qu'elle a de citer là, c'est l'histoire de Marc chapitre 11, où Jésus est sorti du temple, il a vu le figuier. C'est ce qu'elle a de parler. D'abord, je vais la laisser parler tout simplement parce qu'elle va citer un passage pour vous montrer clairement qu'on cite ce qui nous intéresse, d'accord? C'est parce qu'elle va aller dans ce passage. Dès qu'elle va aller dans ce passage, je vais couper et on va avancer, d'accord? Parce que normalement, il ne devait pas lui permettre de parler. On est d'accord? Normalement, il ne doit pas lui permettre de parler. Mais c'est parce qu'elle citait ce passage. Je vais seulement montrer la tournure. Observez. Écoutez. Et en l'occurrence, il a parlé ici devant tout le monde à un arbre. Suivez, suivez. Est-ce que vous réalisez que Jésus a parlé à un figuier? Suivez. Est-ce que vous avez déjà parlé à un figuier? Écoutez. Est-ce que vous avez déjà parlé à votre porte-monnaie? Vous avez entendu? Tant mieux. Est-ce que vous avez déjà parlé à vos greniers? Est-ce que vous avez déjà parlé à vos placards? Comprenez que c'est à cela que Jésus s'est adressé. Il a parlé à son problème. Le plan et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez bénis. Le plan et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez prospères. Le plan et la volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Il n'y a pas besoin de poser des questions à ce sujet. Son mari est mort, reçu des maladies. Donc je vous dis le plus simplement possible, je vous rappelle le plus simplement possible, que les situations se règlent en face à face. Est-ce que vous comprenez ce que les situations se règlent en face à face. Tant que vous parlez de votre problème, vous n'attaquez pas votre montagne. Entendez. Vous parlez de votre problème, vous avez conscience de votre problème, vous priez parce que vous avez un problème. Dieu ne nous a pas dit que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Mm-hmm. Dieu nous a dit que l'on résout les problèmes en parlant aux problèmes et on leur parle quoi? Prenez Philippiens chapitre 4. Vous avez suivi vous-même, c'est en français, non? Ici, il n'y a pas besoin de traduction. Ici. Ici, il n'y a pas besoin. Ici, je n'ai pas de député, mais pas coller la suite des traductions ici. Elle dit clairement que Dieu ne nous a pas demandé de parler au problème. Dieu ne nous a pas demandé de prier. Dieu nous a demandé de parler au problème directement. Dieu ne nous a pas demandé de prier. Philippiens chapitre 4, frère, lis le verset 6 à haute voix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ah, je crois peut-être que Dieu avait dit peut-être qu'en toute chose, parler à ses problèmes. Dieu a dit comment? Dieu lui, il a dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Vous avez entendu ce que le Seigneur lui l'a dit? Et regardez comment quelqu'un dit, vous allez voir, et mon peuple prend plaisir, chacun assis avec sa Bible. On a dit une autre chose, autre que la Bible n'a pas dit, ça ne dit rien à personne. Et les garçons sont assis devant, il y a le colosse devant, au lieu d'aller l'attraper pour dire que ton mari n'est pas là, c'est pas à toi de prêcher. Vous avez suivi, non? Ici, il dit bien ici, c'est en français, on n'a pas besoin de traduction. Continuons seulement. On leur parle la parole de Dieu. Parce que Dieu soutient toute chose. Prophétisez votre bonne santé. Je vais vous mettre une spécialiste de l'enseignement de New Age en Amérique qui a fait une conférence avec les grands. Il a parlé de gestuels, comment utiliser le geste pour manipuler. Et vous allez voir appliquer cela chez les chrétiens. J'ai la vidéo. D'accord? Ok. Voilà par exemple, manifest your dream now. Live the life you want to deserve. Mm-hmm. Positive affirmation can manifest your dream. C'est le site de New Age, c'est ce que le pasteur Chris enseigne. Avançons. C'est une loi extrêmement importante. Vous avez vu? Il dit que c'est une loi extrêmement importante. C'est chez le New Age. Il dit que c'est chez le Dadi. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 14, ouvrez parce qu'elle va ouvrir là-bas. C'est là où je vais arrêter sa démence. Vous êtes dans 1 Corinthiens 14. Mm-hmm. Laissons-la lire d'abord. D'accord? Laissons-la lire. Après, on va aller chez le prédicateur francophone maintenant. Là. Laissons-la lire et puis laissons-la interpréter. Écoutez. Aspirez aussi au don de spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Vous avez ça dans la Bible? Lisez le verset 1. À haute voix. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce qu'elle a lu, non? En fait, j'ai dit 1 Corinthiens 14 parce que c'est elle-même qui est allée là-bas. Parce qu'au verset 33, on dit clairement que comme dans toutes les églises de Dieu, que les femmes, c'est... Elle a pris le verset 1, elle a laissé le verset 33. Si tu joues le verset 33, elle dit que non, c'était dans un contexte, parce que les femmes... C'est pour ça que j'ai dit cela, d'accord? Maintenant, suivez ce qu'elle va dire d'ici là, d'ici ces prophéties, suivez. Dieu vous appelle à être les prophètes de votre vie. Je vais entendre ce qu'elle a dit. Elle a dit, Dieu vous appelle à être... Vous avez entendu? Vous avez entendu? Dieu vous a appelé à être le prophète de votre vie. Donc on peut prendre n'importe. C'est pour ça que je vous ai dit à la première partie qu'ils ne partiront pas loin. S'ils sortent d'une doctrine quelque part, vous pouvez expliquer. Il faut qu'ils prennent la parole. Ils détournent la parole. Voilà ce que la Bible déclare, aspirer à la charité, aspirer aussi au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Après, la Bible explique clairement que celui qui prophétise édifie l'église. Donc, le verset qui suit là, que celui qui prophétise, prophétise édifie parce qu'il parle de la part de Dieu, l'église est édifiée. Elle lit le verset suivant dit clairement ce qu'on veut dire au verset 1, mais elle dit le contraire, elle dit que Dieu vous a appelé à être le prophète de votre vie. Suivez. Prophétisez sur votre vie, vous savez pourquoi? Parce que personne ne le fera pour vous. Vous entendez? Donc vous avez intérêt à aspirer, à avoir ce don de prophétie. Donc, et la prophétie, ce n'est même pas le don spirituel qu'on est en train de parler. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience qu'il va falloir que vous parlez à vous-même. La pensée positive, les affirmations. Il dit, si vous ne faites pas, parce que personne ne le fera pour vous. Premièrement, personne ne le fera pour vous. Les gens qui sont assis là devaient sortir parce que celle-là qui est là-bas, ce n'est pas pour les aider. Vous avez entendu? Vous seul pouvez que le faire pour vous-même. Il n'y aura personne d'autre qui le fera pour vous. Vous avez entendu? Prophétisez votre longévité. Son mari a raté, il n'a pas fait un bras. Vous avez entendu, frère bien-aimé? Vous avez entendu, prophétisez votre... Je refuse de mourir. Donc Jésus a même fait mal parce qu'il a 33 ans seulement qu'il a vécu. Il devait prophétiser la longévité. Je prophétise que la croix s'éloigne. Jésus devait dans la montagne des oliviers là-bas. Voici ce que Jésus aurait dû faire d'après le principe. Si Jésus comprenait les principes spirituels, il devait dire que je renverse la croix par le nom de Jésus. Jésus devait dire ça. Je chasse la croix de mes pensées pour que la pensée de la croix ne vienne pas. J'éloigne ces pensées, j'ai les pensées positives, je vivrai longtemps sur terre. Prophétisez votre bonne santé. Vous venez voir sur le site des pharmaciens là, non? Prophétisez votre bonne santé. Prophétisez votre guérison. Prophétisez votre succès. Prophétisez le succès de vos enfants. Vous entendez bien aimé. C'est en français qu'il dit, hein? Prophétisez que vos enfants, même depuis le berceau commencé, que vos enfants proclameront les oracles de l'Éternel, qu'ils iront de terre en terre et de nation en nation, qu'ils seront à la tête, qu'ils seront chefs de gouvernement, que la sagesse... Tu as trois enfants, ils sont chefs de gouvernement directement. Donc, créer le parti politique là-bas directement, vous faites les trois vice-présidences. Hein, ma chère sœur? La chaise de Dieu sera sur leur vie. Je crois que nous sommes tous... Je crois et je prophétise que Christ est venu pour que j'ai la vie en abondance. Je crois et je prophétise, je réclame que je vais régner sur cette terre. Je règne effectivement. J'entre dans le règne que Christ est, je suis la lumière du monde, je brille. Vous avez entendu, alors dire à quelqu'un qui est devant derrière, ou je ne sais où, mais en tout cas, dire à quelqu'un, c'est beau de contempler un original. Je ne parle de lui comme ça, contempler un original, mais suivez ce qu'il va dire. Un chef-d'œuvre, un modèle unique, un modèle parfait. Je ne sais pas regarder, regarde-moi. Un chef-d'œuvre de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a fini le chef-d'œuvre de la création, la Bible dit qu'il sait, et la Bible dit que l'Éternel se dit en lui-même, cela est très bon. Il parlait de moi. C'est Yvan Castanou, il s'agit d'Yvan Castanou là. Ici c'est à Paris, d'accord? Écoutez. Vous rendre compte qu'il ne parlait que d'un royaume, il n'a jamais parlé de la fondation d'une religion sur terre appelée le christianisme. Il y avait suffisamment de religions déjà sur la terre où les gens étaient déjà down, démantelés, disloqués, où les gens se berçaient de consolation en attendant, paraît-il, un monde meilleur après la mort. Ça, ce n'est pas le message du règne de Dieu. Le message. Vous avez entendu ça? Du royaume de Dieu, c'est une vie. C'est la vie du ciel qui vient sur la terre, maintenant sur la terre. Et pour les chrétiens. Kingdom. Mais regardez bien, mon peuple en présence, suivez seulement, suivez. Préparez Romains au chapitre 5. Alors, s'il parle comme ça, on va arriver là-bas. Romains, chapitre 5. On y va, frère. Si vous avez dans Romains, chapitre 5, il va vous donner le verset, mais vous ne vous inquiétez pas, laissez-le parler d'abord. D'accord? On y va. Tels qui sont pressés de partir au ciel, je t'annonce que Jésus va te ramener vite fait avec la résurrection d'entre les morts. Il y a des gens qui sont pressés pour aller au ciel, Jésus va te ramener vite fait avec la résurrection. Donc, si tu dis, comme tu dis que tu es pressé pour aller au ciel, Jésus va te ramener. Or, l'apôtre Paul lui dit dans Philippiens que je suis pressé des deux côtés. Je désire quitter ce monde, aller pour ce qui est des davantage et des meilleurs. Mais à cause de vous, il faut que je demeure ici, parce que vous n'assimilez pas l'évangile. Dieu veut dire que vous qui êtes trop spirituel, ne pensez pas aux choses d'en haut là. Colossiens chapitre 3, verset 1 dit que affectionnez-vous aux choses. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses qui sont d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu veut dire que l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et tous ceux qui avaient l'espérance fixée en haut là, ils avaient la tête qui était déboussolée. Lui qui est le chef d'œuvre là, c'est lui qui connaît. Allons, suivez. Donc au final, c'est sur la terre que nous allons régner. La Bible nous dit dans Psaume 115, verset 15 à 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux êtres humains. Tonton Yvon Castano. Donc vous tous qui écoutez, vous savez ça dans le portable, vous savez maintenant à qui vous avez les ouvriers, vous avez dans votre truc. Ok. On continue. Préparez, vous pouvez mettre pause là où vous allez lire, vous donner le verset, vous allez lire. Écoutez très bien. Vous allez voir comment les gens qui sont éloquents, il faut faire attention. Les gens qui font éloquents, il faut faire attention. L'art rhétorique. Suivez. Quelqu'un dit amen. Tant que tu ne te perçois pas comme un roi. Je ne dis pas tant que tu ne récites pas le roi, que tu es roi. Tant que tu ne te perçois pas comme roi, tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras... Je pose une question. Tous les chrétiens, y compris lui. D'abord, première chose, Yvon Castaner, son royaume, c'est où? Un roi doit avoir un... Quel est son royaume, lui qui parle? Un roi a des sujets, oui ou non? Quels sont ses serviteurs? Un roi a un trône, oui ou non? Le sien, c'est où? Un roi a un gouvernement, oui ou non? Des lois qu'on doit respecter, oui ou non? Lui seul, sans compter les personnes à qui c'est adressé. Lui qui dit ça, eux qui prêchent ça. Où est-ce là? Et vous allez voir, parce que vous n'avez pas le temps, vous avez là trop. Je devais mettre un autre truc. Il a besoin de faire un projet de 1000 piliers pour le royaume, pour construire le royaume. Il va venir lancer la quête, donc 1000 personnes qui vont donner chacun 1000 euros. J'ai ça là. Je pense que vous n'avez pas le temps. Alors, je vous montre comment il a dit. Alors, si c'est le roi et qu'il est vivant comme il le dit, pourquoi il vient demander à ceux qui sont là qui ne sont pas des rois? Il veut 1000 personnes qui vont contribuer pour construire. Et là, après, si les 1000 personnes donnent 1000 euros, ça fait faire 1 million d'euros. Multiplié en chiffres, ça fait 650 millions. Il y a de quoi il va avoir son argent. Après, c'est ce qu'il a acheté. Il construit sa maison tranquillement. Après, il vient dire que son roi, il ne peut pas le faire. C'est votre argent qu'il a de prendre. Alors il vient mentir que c'est Dieu qui lui a dit que suscite personne pour cette chef-d'œuvre divine. Yvon Castaner, je pose encore la question. Posez-vous cette question si les gens ne l'ont pas encore posé. Ils disent que tant que tu ne te perçois pas comme roi, un roi a un royaume, a un siège, a un trône, a un territoire sur lequel il règne, a un peuple sur lequel il règne. Tous là, les prédicateurs, ils disent qu'ils sont des rois. Le royaume, donc, c'est où? Petit garçon, sors s'il te plaît. Donc, où est la question est pertinente? La question est-elle pertinente? Hassan II, aussi As Mohamed VI, a un royaume. C'est au Maroc, c'est pas ça? Ok. Pas opérer dans la dimension du règne. Donc si tu ne te perçois pas, tu ne peux pas opérer aux dimensions du règne. Et la Bible dit, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis la justice de Dieu. Tout ça, c'est... Alors, c'est ça qui dans ces dedans vous parlez là. Je suis là, c'est je suis là, c'est suivez. Et la Bible dit, je suis roi et que je règne. La Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce et par le don de la justice que nous régnons dès maintenant dans cette vie avec Christ. Dis avec... Vous avez suivi comment la cité? Lisez le dernier verset du chapitre 5. Allons-y. Chapitre 5. Le dernier verset. Allons-y. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce est régnée par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais vous avez suivi ce que lui l'a dit. Je remets pour que vous suivez ce qu'il a dit. Hein. Relisez encore le verset pour bien saisir. Relisez encore. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. On nous dit qu'est-ce qui règne? La grâce règne. La grâce régna. On nous dit qu'est-ce qui doit régner? Suivant Yvon Castaner. Tant que tu ne te perçois pas comme un roi, je ne dis pas tant que tu ne récites pas le roi, que tu es roi. Tant que tu ne te perçois pas comme roi, tu ne pourras pas régner. Tu ne pourras pas opérer dans la dimension du règne. Et la Bible dit, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre, je suis la justice de Dieu. Tout ça, c'est bien. Et la Bible dit, je suis roi et que je règne. La Bible dit que c'est par l'abondance de la grâce et par le don de la justice que nous régnons dès maintenant dans cette vie avec Christ. Il vient de citer comme ça Romains chapitre 5. C'est ce que le Romains chapitre 5 a dit. Est-ce que c'est ce que ça a dit? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Tellement il fait ça, il passe vite, il parle de façon où le camp, les gens ne contrôlent pas. La Bible dit que c'est pas la grâce qui règne, la Bible dit que c'est nous qui règnons. C'est l'abondance, je règne. Après, il dit que Dieu, après moi, je règne. Donc, vous êtes d'accord avec moi. Et mon peuple prend plaisir à cela. Avec moi, je règne. Dieu ici est en train de dire, recherche, commencez le travail onyxieux dans les cieux. Localisez uniquement sur le saint signifie sépion. Okay. Pensez. Ici, c'est j'aime Kaku. J'aime Kaku. Écoutez bien, mes chers amis, écoutez les déviations. Positif, parler positif, agir positivement. Vous avez entendu? Pensez, agir, parler. Voilà ça. Un chemin vers soi. Donc, déjà, la doctrine, c'est la doctrine du New Age. C'est pour se connaître soi-même comme Socrate avait dit. Où ils y est? Regardez bien. Voilà l'une des pages. Tout ce que nous pensons, disons et faisons est un message envoyé dans l'univers. C'est dans la page de New Age. C'est ce que J'aime Kaku vient de dire. C'est ce que J'aime Kaku vient de dire là. Plus nous aurons des pensées, des paroles et d'actions dans le même sens, plus nous aurons des chances ou des malchances selon les orientations de voies abouties, le fruit de nos pensées, paroles et actions. Notre réalité est ce que nous en faisons. Donc si tu es malade, c'est parce que tu crois que tu es. Il dit, car tu te répondras à droite et à gauche. Vous avez vu? Ça c'est Isaïe 57, 54, où il a parlé de juste à stérile, où ta tante va être répondre à gauche, à gauche. Et il ne dit pas ce que la Bible en train de dire. Écoutez. Tu vas te multiplier. Tu vas te. Donc, il prend ça, il parle de multiplication directement. Suivez. Te multiplier. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de l'abondance. Le diable, lui, il vient pour pouvoir soustraire, pour pouvoir diviser. Mais Dieu, lui, il vient pour ajouter et pour multiplier. Écoutez bien. Et après, lui, il va arrêter, il va aller sur, rapidement, le monsieur là, Raoul. D'accord. Nous devons nous élargir. Nous devons chercher à nous développer. Écoutez, parmi les séductions, celui-ci est proche de plus. En fait, il ne connaît même pas la Bible. Il ne connaît pas. Il ferme la Bible, il ne connaît pas la Bible. Vous allez voir, il ne connaît pas la Bible, le pasteur là. Il a écrit les livres sur les démons, les démons spirituels. Il fait mieux de recevoir la délivrance. J'aime Kaku. Nous devons rechercher le succès. Nous devons rechercher la réussite. Dieu ici est en train de dire, recherche le succès. Vous avez entendu? Il dit Dieu dans ce Esaïe 54 là, en train de dire, recherchez le succès. Recherche la réussite. Recherche le développement. Développe-toi. Un passage de l'évangile dit ceci. Il ne connaît même pas le passage. Il dit un passage de l'évangile dit ceci. Écoutez bien ce qu'il va citer. Écoutez bien, frère. Vous êtes prêt à garder. Vous arrêtez votre cœur. Que celui qui veut garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Écoutez bien. Il ne faut pas se mettre dans une position où on essaie de garder le peu qu'on a. Il faut se mettre dans une position où on essaie toujours de conquérir. Et... Vous avez suivi? Il dit un passage de l'évangile, il ne connaît pas où ça se trouve. Là où Jésus a dit que celui qui va vouloir garder sa vie la perdra. Il a bien dit sa vie la perdra. Il dit, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Il prend ça directement, il dit que si tu as de l'argent, 10 000, n'essaie pas de garder. Il faut conquérir un peu davantage pour remplir. Suivez. De gagner et d'accroître ce qu'on a. C'est la meilleure manière de combattre. Parce que si vous vous concentrez sur le fait de conserver le peu que vous avez, vous allez le perdre. Mais si vous vous concentrez plutôt sur le fait d'accroître ce que vous avez, au pire des cas, vous allez conserver ce que vous aviez. Joseph est un homme de succès. Vous prenez Néhémie, qui a bâti des villes, était un homme de succès. Vous avez Abraham. La Bible dit qu'il était riche, qu'il était très riche en or. Vous avez vu un endroit où on a dit qu'Abraham a recherché le succès. Vous avez vu un endroit où on a dit qu'Abraham, Néhémie, tous ces gens qui l'ont cité ont recherché. En argent. Abraham était aussi puissant que des rois. Un individu, sa maison était aussi puissante que des royaumes, que des états. Abraham devait parcourir des kilomètres et des kilomètres dans sa... Je dis le danger, c'est qu'il prêche avec la Bible. Et si tu ne connais pas la Bible, c'est ça qui amène les gens. On dit, mais il n'est pas d'Abraham, il n'est pas de ceci. Vous avez vu, n'est-ce pas? Propriété. Il avait des centaines d'esclaves, des centaines de personnes à son service. Abraham était riche, mais Abraham était néanmoins l'ami de Dieu. Vous avez l'apôtre Paul, qui était un homme qui a eu du succès, qui a eu de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il a influencé toute l'Europe. Ils disent que la réussite n'est pas spirituelle. On pense que l'humilité égale pauvreté. Alors que les Écritures sont remplies de personnes qui ont du succès. Lorsque vous voyez la vie de Joseph, c'est quelqu'un qui a eu du succès. On l'a mis en nom pour lequel beaucoup de personnes ne réussissent pas. La première raison, c'est que ces personnes-là se méfient du succès. Il y a beaucoup de personnes qui se méfient du succès. Je me fie de la réussite. Parce que on a enseigné à beaucoup de personnes que la réussite ou le succès ou l'argent était la racine de tous les maux. Donc il se moque comme ça de l'apôtre Paul. Il dit que l'apôtre Paul a enseigné que qu'on prenne garde de cela. Parce que l'apôtre Paul dit clairement que le pourtant de Dieu fuit ces choses-là. Donc il dit en réalité que l'apôtre Paul n'a pas écouté, quand il avait les révélations, il n'a pas bien écouté ce que Dieu voulait lui dire. Dieu lui a donné à Jim Kakou, c'est ça qui fait que le chrétien soit pauvre. Suivez bien. Et que ceux qui sont riches, ceux qui ont du succès, ou ceux qui prospèrent, sont des gens qui sont condamnés à aller en enfer. Et que pour pouvoir être heureux sur la terre, il faut être pour le message qui n'est pas corruptible, qui ne change pas, qui est éternel, qui est le même pour les noirs, pour les blancs, pour les rouges, pour les bleus, qui est et qui transforme et qui change la vie. Qui nous apporte la vie, qui nous apporte la paix. Lui, il ne s'est même pas caché même sur son hérésie. L'autre aussi, c'est facilement. Donc, tu vois que même avec le démon, il ne prêche pas. C'est même pas avec le démon qui prêche. C'est avec la connaissance, tout simplement, qu'il a appris à l'école théologique qui dévie comme ça. Donc, d'autres, quand on prêche avec le démon, c'est encore subtil. Donc, lui, il n'a pas. Même le démon, c'est même pas le démon. L'autre, c'est la connaissance. Il essaie de se manipuler. Comment le manipuler? Donc, il n'est pas encore entré en plein là-dedans. Donc, vous pouvez voir qu'on essaie, on enseigne aux gens qu'ils ne savent pas comment manipuler. Les vrais en dans l'écriture, ils parlent, ça, ils te tordent ça comme ça, tu vois. Donc, c'est on passe sur tonton, d'accord. Tonton, vous appelez qui? Tout ce que tu vas décréter sur la terre, là où tu vis, ce que tu vas dire, ce que tu vas annoncer sur la terre, le ciel a l'obligation. Vous avez entendu? Donc, quand je me tourne comme ça, je dis, demain, je suis président de la République. Pendant ce temps, tu es président de la République. Dieu divise le pays en deux directement la sécession. Vous remarquez bien ce que je vous ai dit. On prépare d'abord psychologiquement l'assemblée. Il y a les groupes de loi qui passent d'abord. Vous mettez d'abord dans un état de transe, de pré-transe, pour que vous acceptiez le message. Quand il vient, il dit, oh my God, vous allez voir quelqu'un va aller se coucher là-bas pour nettoyer son pied avec sa chaussure, avec sa veste. Il va se retourner vers lui, le prendre, vous savez, le soir, c'est bien, le pousser. Vous allez voir. C'est tonton Raoul. Quelqu'un dit compatriote. Donc c'est lui que vous voyez les affiches partout là-bas avec le magnétisme, avec son image travaillée. Regardez. Le ciel a l'obligation de se tenir derrière toi et de mettre ton cachet sur ta demande. Voilà donc l'un des sites dans The New Age. C'est exactement ce qu'il veut écrire, il veut lire en français, d'accord? When you command the universe by law, it has to obey. C'est exactement ce que Raoul va venir dire. C'est ça, non? But first, you must learn how to command the universe. Voilà pourquoi ils font tout pour apprendre aux gens justement la pensée positive. Pour qu'ils puissent commander, pour que l'univers fonctionne pour eux. Et la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 4 qu'il faut faire attention, veillez sur vos âmes, de peur que tournant les yeux, on ne va assez prosterner devant toute la mer du ciel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est exactement ce que ça veut faire. Ce que Dieu a averti, c'est ça qu'on a dit d'aller. La Bible dit, les païens vont servir de rançon pour le juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mourir pour toi. Vous avez entendu? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Mais tu ne vas pas mourir avant ton heure. Écoutez-moi bien. Chaque homme qui est loin provoque la mort des autres. J'ai dit que l'hérésie, je vous ai dit l'autre jour dans l'enseignement que l'hérésie c'est niveau par. L'autre, la Jem Kakou qui vient de passer, l'autre, ça est grossé. Même Vanessa là, qui n'est pas encore lu Genèse, il connaît que Jem Kakou a déversé la patate. L'autre aussi, c'est grossier. Donc c'est quelqu'un qui est ancré dans le satanisme ici. C'est quelqu'un qui est ancré dans le satanisme. Oui. Ah, souvenez-vous de ceci, lui-même il est divorcé. C'est ça, n'est-ce pas? Il est divorcé, il est marié. C'est pour ça que quand il parle, Il allait en Côte d'Ivoire, il a subjugué les gens, allait partout subjuguer. C'est exactement l'onction qu'il a eue. C'est qu'il a pris du côté de la guerre. C'est-à-dire qu'il pouvait soumettre toutes les nations à lui. Il parle, il lève la main comme ça, les gens se lèvent aussi, vous accordez avec lui. Il vous, comment vous allez vous tuer? Les femmes accouchaient les enfants au premier gars. Ils étaient contents que l'enfant de 17 ans va en guerre pour aller mourir. Tu donnais ton enfant, tu attends de con. Il lève. Il parlait seulement. Il dit, est-ce qu'il forçait quelqu'un? Vous venez seulement. Suivons, suivons tonton Raoul. Quand Jésus est né, on a tué des gens à sa place. Voilà la doctrine qui soutient. Voilà pourquoi il dit que toutes les gens qui sont ouins, on tue les gens à sa place. J'ai dit bien, alors juste, quand tu es juste, ah non, tu n'as pas encore décollé. Parce que Dieu va te distinguer de telle enceinte que quand les gens vont te voir, il y aura quelque chose d'autre. Même ta démarche est affectée. Même. Vous avez entendu? Et mon peuple? Ton regard, même ton sourire, même ta manière. L'onction va modifier tes sourires, tes démarches, ton regard. Manière de faire à cause de l'onction. De. Makati, c'est grave, non? Vous savez une chose? Si l'onction n'était là que pour m'amener par terre, je ne l'aurais pas aimé. Parce que ça coûte cher d'envoyer ses habits au précis. Vous pensez que spirituellement je mesure 1m77? Vous pensez que je pèse 75 kilos? Mais le diable connaît qui je suis. Vous pensez que mon visage, c'est ce petit visage que vous voyez? Il vient d'être, il dévoile son domaine spirituel comme ça là, aux vies aussi de tout dans le monde entier. Vous pensez que je mesure seulement 1m75 kilos? Vous pensez que mon visage, c'est ce petit visage que vous voyez? En fait, si vous prenez le cadre de la musique, Baphomet dans la musique, quand Beyoncé entre en scène pour chanter, après elle dit que quelque chose entre en elle, commence à parler, que c'est la personne, c'est quand elle chante là, c'est elle qui chante comme Nicki Minaj, dire qu'il y a une gaz de mon roman à moi, qui, ça, et les autres, ça c'est pour Beyoncé, qui dit que c'est lui qui veut être, parce que c'est lui qui insulte les gens, c'est exactement ça qui est chez le prédicateur. Quelqu'un dit Baphomet. Vous vous trompez, tu sais qui je suis moi, il s'appelle Raoul Wapo, tu connais qui je suis? Galates chapitre 6 verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse. Il y a des versets bibliques pour tout ça. Tu connais qui je suis? La Bible dit, j'ai fait de toi mon sacerdoce royal. La Bible n'a jamais dit ça à un être humain. La Bible n'a jamais dit ça à un être humain que j'ai fait de toi mon sacerdoce royal. La Bible n'a pas dit ça. Vous savez ce que la Bible dit, non? Vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. On parle à tout le groupe comme ça. Parce que chacun de nous est sacrificateur. Tu es ma nation sainte. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu sais qui je suis? Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Je suis le fils de Dieu. Tu sais qui je suis? Je suis le fils de Dieu. Il n'a pas dit je suis un fils de Dieu. Il a dit il est le fils de Dieu. C'est grave, hein, frère. C'est grave. Mon peuple. Il a dit que nous sommes entourés environnés d'une nuée de témoins. Et donc quand tu es sur la terre, écoutez, le ciel est assis. Et on regarde comment tu vis. Et donc quand tu marches, le ciel acclame à cause de ce que tu es, parce que Dieu dit que tu es son ouvrage, qu'il a façonné à l'avance pour les bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Il t'a mis sur la terre pour pouvoir montrer au diable et à sa puissance combien il est grand. Donc quand tu vis sur la terre, il y a des moments où Dieu tourne dans le ciel, tellement tu le réjouis. Il dit regarde, regarde, hey, regarde mon serviteur Job, regarde. Oh Satan, tu as vu, viens Satan, vois-le. Donc Dieu t'utilise même pour se moquer du diable. Oh my God. Et quand c'est moi qui... Quand ce n'est plus Job, c'est écoutez, moi maintenant. Écoutez. Meilleur que Job. Il dit qu'il est meilleur que Job, meilleur que Élie, meilleur que Jean-Baptiste. Écoutez. Est-ce que vous le savez? Meilleur que Jean-Baptiste, meilleur que Élie. Parce que ma Bible dit de moi, Raoul. Donc Élie qui s'est tenu devant le Jésus à la montagne de transfiguration, le prophète Élie qui est monté à l'échelle, il dit Raoul qu'il est plus grand que lui. Que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était le plus grand. Donc en ce qui me concerne, je suis plus grand qu'Élie. Est-ce que vous imaginez un seul élu? Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura suffi de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc le simple fait de mesurer à notre prédicateur, c'est montrer directement que tu es un insensé. Est-ce que vous imaginez un seul instant la valeur que j'ai sur la terre? Depuis là, attends, je vous pose une question. Je vous pose une question. Depuis qu'il a dit prêcher là, il a parlé de Jésus-Christ. Je suis capable. Désormais, maintenant, quand vous allez écouter les chaînes chrétiennes, le Saint-Esprit va vous illuminer par rapport à la parole pour que vous sachiez que ce genre de délirer. Écoutez. Capable de produire sur la terre. Écoutez bien. Ce que ma présence est capable de faire. frère, je vous ai dit et je redis, dans mon quartier, écoutez bien, dans son quartier, les sorciers ont décrété qu'ils n'allaient plus agir dans ce quartier. Les sorciers ont décrété dans son quartier qu'ils ne devaient plus agir dans ce quartier. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. Je suis là. Parce qu'il est là. Il va me raconter l'histoire de l'avion qu'il a entré dans l'avion. Mais observez seulement, je vous dis, c'est parce que c'est enregistré. Les personnes qui sont de monter, c'est soyez montées par Pasteur Chris. Observez exactement ce qui va lui arriver et à sa femme. Celui-ci également, observez. Ce n'est pas une prophétie, c'est une prédiction. Observez ce qui va lui arriver. Les gens comme il dit ce que je suis, Dieu va les livrer en spectacle. Tous là, remarquez bien, Benin tous, Paola White tous, Kefodola tous divorcent, sont accros aux drogues. Les prédicateurs. Ils viennent devant, il y a l'autre qui prend, il y a des mecs que vous appelez quoi, les douleurs, calmant des douleurs, le calmant, ils étaient accro à cela. Ils prenaient ça pour que quand il y a le douleur sur lui, il ne sent pas, ils viennent dire que c'est la bonne santé que le Saint-Esprit lui donne. Suivez. Eh bien, je suis là. Quand je monte dans un avion, ok, mais là, observez. Observez, vous avez vu. Regardez, vous allez le remarquer. Vous allez voir Eddie Long. Observez leur veste. Vous allez voir qu'il y a les triangles là. Comme ça, au moins 5 ou bien 4. Blanc, la tête qui sort. Observez celui-ci. Et observez Dieu de Neukamden. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Et voilà leur signe. Vous savez. Vous avez saisi. Observez. Donc, regardez, suivez son histoire de l'avion. Suivez. Je suis dans l'avion. Je suis là. Est-ce que vous me connaissez? N'ayez pas peur. Je suis dans l'avion. Un jour, j'étais dans l'avion, on quittait Dallas pour aller à Washington. Il y a eu une chute de près de 5 minutes. Les gens commencent à crier. J'ai dit, calme. Là où il est dans l'avion. Les gens disent, wow, calmez-vous. Prends le l'avion. Écoutez bien. Écoutez. Donc, maintenant, dans Actes chapitre 26 à 27, on a amené les pôles dans l'avion de cette époque qui était le bateau. Il y a eu chavirage, parce que les gens nagent seulement pour aller à bord. Et l'ange est venu la nuit pour lui dire que prends courage, je te donne le peuple de ces choses. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? L'ange n'était pas capable de porter l'eau et d'empêcher l'eau. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais roi Wafo, suivez. Il est dans la vie. Écoutez-moi bien, vous savez quoi? Quand la vie est descendue, pop, il dit calmez-vous. Le Père a dit, Jésus, hey, rapidement, les archanges, les anges, reportez-moi cet avion. Qui a fauté? Vous n'avez pas vu qu'il est dedans? Remettez-le. L'avion remonte. Oh my God. À cause de moi dans l'avion. Oh my God. Si tu savais qui tu es, si tu savais quelle est ta valeur, si tu savais qui tu es, je suis tellement conscient de qui je suis que même quand je dors dans un drap, écoutez, je bénis le pressing qui va le laver. Est-ce que vous me comprenez? Parce que même mon nom... Observez, c'est que la Bible déclare que mon peuple prend plaisir à ça. Observez ce qui va se passer. Donc, il coule sur le drap, quand ça touche le pressing, affectement de prospérité. Affectement de prospérité. Voilà. Il y a quelque chose. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Romains chapitre 12, verset. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure des fois que Dieu a départi à chacun. Oui. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. D'accord, bien aimé? Mm-hmm. Que chaque des nuées sans eau. Voilà. Et vous, c'est la cupidité. Cupidité. Écoutez. Et donc, je me suis levé et j'ai fait retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Back to sender. Écoutez. Dans ma chambre. Ce n'est pas une prière de deux jours de jeûne, de prière, de retraite. Écoutez. Vous savez pourquoi est-ce que les gens, pour régler un problème, ils font 7 jours de jeûne? Ils n'ont aucune révélation de qui ils sont. Tu n'as aucune révélation. Tu n'as pas besoin de 7 jours de jeûne pour régler un problème. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des batailles où il faut prendre un moment de jeûne. Mais tu n'as pas besoin de jeûne pour régler un problème. Tu as besoin de la révélation de qui tu es. Quelle est ta valeur? Christ, quand il parle de 7 jours, quand Christ a pris 40 jours comme ça, Christ n'avait pas la révélation de qui il était. Le Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Lui, il a pris 40. Donc, il n'a même pas la révélation de sa personne. Il sait qu'il n'aura pas dû, selon lui, parler prendre jusqu'à 40 jours. Est-ce que tu représentes aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes? Au moment où je parle, il y a quelque chose que le séjour des cieux est en train de relâcher dans ta vie. Ce qui va te distinguer dans ta génération. Quelque chose que le ciel relâche. Je dis, c'est assez. Et mon peuple, longtemps tourné en rond. Est-ce que tu me comprends? J'ai longtemps tourné en rond. J'ai dit c'est terminé. Il faut que tu décolles. Tu vas décoller. Tu as longtemps tourné en rond. Il faut que... Oh my... Hey! Oh my God! Yes, Lord! Écoute, tu dois te positionner. Tu dois te positionner. Tu dois prendre ta place dans la table des rois. Par ce message, on va mettre fin à l'intimidation. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. J'ai dit bien c'est terminé. Tu dois te repositionner. Et tu vas occuper la place que Dieu a pour toi. Est-ce que tu me comprends? Tu auras cette place, celle que le ciel a pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre te balader. Tu es en mission. Il y a quelque chose que le ciel a pour toi. Tu auras cette place. Oh my God. Yes, I don't know, I don't know. Oh my. Oh my God. Vous avez remarqué pendant qu'il est comme ça, les gens avant que vous jetez de l'argent. Vous avez remarqué les gens avant que vous jetez de l'argent dans le panier. Parce qu'elle a dit ça. Je sais cette tension là ce matin. Il y a quelque chose que le ciel a relâché sur ma vie. Dis prêche, prêche, prêche. Dis prêche. Donc, dis que je prêche. Dis que prêche. Dis que répétez que prêche. Donc mon peuple prend plaisir à ça. Il dit prêche. On t'encourage. Encourage-moi que je prêche ça encore. Dis prêche. Oh my God. Il y a quelque chose. Je n'aurais plus le courage de prêcher. Si ce Dieu vivant m'avait menti. Je dis, tu verras. Écoutez. Ah, je dis, tu feras. Écoutez. Je dis, tu feras. Écoute, je dis, tu feras. Même avant la sortie de cette porte, mettez le portable en marche. On va vous appeler. Les choses se passent. Je dis, les choses se passent. Les choses se passent. Les choses se passent. Est-ce que tu me comprends? I don't know. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu vas agir comme un jeune lion. Un jeune lion. Tu vas agir comme un jeune lion. Tu n'auras plus peur. Regarde, regarde ton voisin. Demande à ton voisin qui t'a intimidé. Qui t'a intimidé. Prends cette grâce. Qui t'a intimidé. Qui t'a intimidé. Donc, il communique la grâce. D'accord. C'est Raoul Wafo. Donc, on s'arrête comme ça pour Jésus. Il fait quand même trop chaud. Pas vrai. Et vous savez que la personne qui suit beaucoup plus, c'est moi. Pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire aux sorties maintenant de cette doctrine de prospérité, en voyant les ténors qui ont dévié? Qu'est-ce qu'on peut dire? La conclusion est claire. Tout cela ne sert pas à Christ, mais leur propre ventre. Ils pensent aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur propre ventre. Mais ils utilisent le nom du Seigneur Jésus comme un label pour faire leur entreprise. Vous avez vu à la lumière de la parole de Dieu maintenant que c'est étranger à la Bible, n'est-ce pas? Toutes les personnes. Et remarquez très bien que à chacun d'eux d'entre eux, celui-ci a 30 000 personnes, celui-ci a 4 millions, celui-ci a ici, celui-ci a ici, c'est eux. Matthieu chapitre 7. Large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie éternelle. Peu de gens le trouvent. Donc Dieu a prophétisé que la plus grande majorité iront par là-bas. D'accord? Baissons la tête, on va prier que cette séduction que Dieu nous a révélée. Et que maintenant nous sommes au courant maintenant, prions que Dieu enlève ses enfants dans cette séduction, ceux qui sont là-dedans. D'accord, bien-aimés? Prions, prions, prions, prions, prions, prions. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anoué, oué, voilà, anoué, oué. Anoué, oué, voilà, anoué, oué. Anoué, oué, voilà, anoué, oué. Anoué, oué, voilà, anoué, oué, anoué. kayo na sena mabele pena mabele ro kuna na lala babele yo babele yo. Let me see a big kiss in my heart.